C'est fou. 89 ans. Le service aux étudiants de l'UQTR vous présente Assemblage requis. Le plan d'aujourd'hui, Assemblage requis. Véronique Mir nous gâtera avec une chronique sur la lettre G dans son Véronictionnaire. François Landry verra rouge dans son segment politique Logocratie 101 et on terminera la semaine avec bon goût, nos classiques bouffe et malbouffe de la semaine. Assemblage requis commence tout de suite. Je pense qu'on est rendu avec nos propres mousses de micro parce que je t'ai postillonné le menu du jour. Toi, ça a pas l'air. Bonjour, bienvenue à Assemblage requis. Ce jeudi 10 avril 2014, je m'appelle Mathieu Plante. Moi, c'est Stéphanie Paradis. Bonjour, Stéphanie. Hey! Elle n'était pas avec nous hier. En fait, j'étais seul. Ah! Moi aussi, je me suis sentie seule. Ah, tout seul dans ton lit à m'écouter ou? Es-tu malade? Toi, j'essayais de dormir. C'est toi qui es malade. Hier, je pense que, comparé à l'habitude où on a 8-9 bons moments, j'avais un bon moment dans l'émission d'hier. Ah. C'est tout. Il va être dans le montage un instant classé cet après-midi. Le seul moment du mercredi. Donc aujourd'hui, l'émission, c'est rempli. C'est toujours très rempli, en fait, le jeudi. À 8h, on va recevoir quelqu'un que je sais pas encore c'est quoi son nom, mais quelqu'un qui tourne autour du grand univers David Ferron. Oh boy. Ouais, le retour. On est-tu prêt à ça, vraiment? Je sais pas. Votez sur la hotline, c'est fou, à savoir si vous voulez vraiment que ça ait lieu ou pas. Mon Dieu, avec le pourcentage de votes à la GEQTR, je m'attends pas à des gros votes assez fous là, pour ce matin. Un total de 9 contre et 0 pour. ensuite, à 8h30, François Landry et Logocratie 101. Son sujet d'aujourd'hui, son thème, c'est proportionnel et constat. Donc, je pense qu'il va essayer de nous vendre le système proportionnel du vote. Mm-hmm. Ouais. Ensuite, à 9h, ça fait 3 semaines, je pense, de fil qu'on dit qu'on va le faire. Donc, c'est aujourd'hui que ça se passe, Steph. Il faut qu'on s'en rappelle les péripéties de JP à 9h. Oui. S'il te plaît. Ensuite, juste après, à 9h05, la bouffe et la malbouffe de la semaine. On a, comme toujours, amené notre magasinage culinaire, alimentaire en studio. J'ai un petit spécial cette semaine. Moi, j'ai pas d'emballage, donc j'ai préparé un petit quelque chose de spécial. À la main? À la main. T'as pas fait ça à la main, c'est pas une affaire que t'as faite à la main. Ben, je l'ai écrit à la main. OK, wow! Ça va être beau, ça. Donc, ça, c'était à 9h05. Mais on va débuter avec Véronique Mir, qu'on a avec nous en ce moment. Bonjour, Véronique. Bonjour! Hey, enfin, ça fait longtemps. Moi, ça fait longtemps. Steph, tu étais là 2 semaines. Tu te rappelles pas? C'était dans ta semaine où tu étais un petit peu plus viril? J'étais dans ma semaine. C'est ça. C'était dans ma semaine. Mais non, mais c'était le temps, là. Hey, je t'ai enfin remis ton plat. Est-ce que ça date de Noël? Oui, ça date du party de Noël. Hey, j'avais un plat de Noël à elle. Un ancêtre des Tupperware beige, tu sais, beige. Ah, wow! Ouais, ouais. Mais tout aussi efficace. Oh oui! Toujours, toujours. donc, la raison de la présence de Véronique Mir aux 2 semaines, c'est pour son segment. Voici le Véronictionnaire. Salut Véronique Mir. Hello, je débarque à peine de mon étalon. Oui, c'est ça. Ben, quand même, la lettre d'aujourd'hui n'est-elle pas le jeu? Une cowgirl, girl, le G. Oui. C'est là qu'on est rendu. On a fait les lettres jusqu'au G, mais dans l'ordre inverse. Ah, oui. Exactement. Donc, G, comme évidemment, Stéphanie, grandiose. OK. Groupie. Guenon, je pense. Voyons. C'est donc grenouille. Gumbo. C'est une sorte de soupe, je pense. Mmh. Mmh. Gravlax. Gratiné. Oh, bien. Ah, voilà. Je pense qu'on a trouvé le mot. Parfait. Non, de quoi tu nous parles, donc, pour bon, commencer? Ben, en fait, la lettre G, je vous annonce déjà qu'elle va être segmentée en 2 parties. Donc, on prolonge le plaisir, hein? Évidemment, ça s'y porte bien avec la lettre G. Deux groupes de mots, si on veut. Oui. On commence par G. Exactement. Alors, on commence en grande avec les gants. Les gants élégants? Les gants, eh oui. Donc, les gants qui, selon Baudelaire, disaient « beaucoup d'amis, beaucoup de gants » et qui, selon lui, la poignée de main, toujours trop fréquente, abolissait le caractère, lui qui était un dandy et portait des gants roses. Hein? Donc, ben, Oh boy. Quand même, beaucoup de caractère. Et en croire Baudelaire, le gant était un rempart contre les fâcheux. Hein? Donc, une barrière ou une protection contre ceux qu'on aime moins ou ceux qui nous élèvent. Mm-hmm. Donc, c'était pour ça que lui s'en servait. Mais déjà, les gants remontent à il y a très, très longtemps. Déjà, dans l'Odyssée d'Homère, Laërte, le roi d'Ithaque et père d'Ulysse, portait des gants pour se protéger contre les plantes. Les griffures des plantes, en fait. Donc, celles qui avaient des pics, là, des petites épines. Et Xénophon, donc philosophe et maître de guerre grec du 4e siècle avant Jésus-Christ, lui, se moquait de l'accoutrement des Perses. Donc, pour ceux qui ont vu le film 300, c'est d'actualité oui. en ce moment au cinéma. Donc, il se moquait d'eux. Bon, il ne leur suffit pas de se couvrir la tête, le corps et les jambes. Il faut encore qu'ils aient des vêtements de longs poils qui leur couvrent jusqu'aux extrémités des mains et des enveloppes de doigts. Des enveloppes de individuelles de doigts? Oui, oui. Doigt par doigt? Doigt par doigt. Donc, pour ceux qui ont vu 300, effectivement, on voit, bon, il y a les Grecs qui se battent torse nu avec un speedo grec, là, évidemment, puis une cape, là, puis t'as les Perses qui sont vraiment en pantalon, manches longues, avec même un casque sur la tête, là, assez... avec le yogourt grec dans les mains, puis il était déjà à la mode dans ce temps-là, le yogourt grec. Salade grecque. C'est ça, salade grecque, oui. Donc, pour Xénophon, et les Européennes s'en entichent de manière tardive. Donc, se l'approprie au 13e siècle parce qu'avant, c'était plutôt un accessoire pour les hommes, mais pas un accessoire de mode, bon, évidemment, là, pour le combat, la parade, pour aussi la chasse, le travail. Donc, les femmes se l'ont approprié plus tardivement. Donc, évidemment, les reines ont beaucoup aimé l'accessoire, dont Élisabeth d'Angleterre, qui, à la Renaissance, lui a aménagé un âge d'or. Donc, on l'a surnommée la Reine Vierge, hein, la Reine Élisabeth d'Angleterre. Et les cours étrangères l'ont imité, hein, parce que ça paraît toujours bien d'imiter la monarchie, évidemment. Donc, Catherine de Médicis, elle décide d'en offrir à ses filles de cour, là, donc pour que tout le monde porte des gants. Et le comble consiste à offrir une paire de gants roulés dans une coquille de noix. Hein? Oui. Parce que la noix, en fait, c'est un symbole de faveur royale. Mais ça prend une grosse noix. Noix. Une noix de Grenoble, de préférence. ensuite, Joséphine de Beauharnais, elle va lancer la mode du gant long. Qui va devenir sexy avec Ava Gardner et Grace Kelly dans les années 30, là, avec la modernité qui vont le porter. Ouais. Et plus mystérieux avec Alfred Hitchcock. Je ne sais pas si vous souvenez des nombreuses photos d'Alfred Hitchcock. Il y a toujours des gants blancs. Déjà, est-ce que je me souviens de photos de... Non. Ah! Il y a Mickey Mouse aussi qui avait des gants blancs, je pense. Ou quand... Oh, oui, c'est vrai! Ou quand on regardait les films d'Alfred Hitchcock, là, les vieux films, à la fin, là, il venait toujours dire quelque chose. C'était toujours bien bizarre, puis il y avait des gants. Donc peut-être qu'il était un peu germophobe, ce serait à vérifier. Donc voilà pour les gants. Toujours dans les vêtements, pourquoi diantre dit-on garde-robe plutôt que garde-linge? Oui, garde-vêtements. Hein? Garde-vêtements. Ah. Bonne question. C'est facile. Les filles s'arrangent leur linge, puis les gars, ça les laisse traîner à terre. Excellent. En fait, que c'est l'époque de la création du mot qui en est la raison, au 13e siècle, quand on a créé le mot garde-robe, le vêtement le plus porté par les hommes et, en fait, par les femmes et par les hommes était la robe. Maintenant, les hommes n'en portent plus, mais l'Office de la langue française a quand même gardé le mot garde-robe. Traditionnel. C'est dommage, il y a juste les hommes qui peuvent profiter des coups de vent l'été. J'aimerais ça aussi qu'il y ait des robes d'hommes qui l'aiment. Oui, t'as bien raison. Tout à fait, d'accord. Moi, je prône le retour du kilt at large. Tout à fait. Donc, garde-robe, garde-linge, c'est pour ça. Le goberge. Le petit poisson à imitation saveur de crabe. Non, mais il y a un vrai poisson qui s'appelle goberge. OK, aussi. Mais le goberge qu'on achète en magasin, c'est à saveur de... Ou c'est du goberge, c'est le vrai poisson goberge, mais à saveur de homard? Ça peut être un ou l'autre. Okay, il peut y en avoir à saveur de homard aussi. Donc, en fait, c'est un poisson transformé qui s'appelle le surimi. Poisson haché en japonais, là, en fait, le vrai mot là, pour goberge. Mais bon, comme Stéphanie, tu disais, oui, c'est le colin d'Alaska dont le vrai nom est goberge ou le merlan bleu qui constituait le goberge anciennement. Maintenant, c'est des espèces moins nobles hein, parce que c'est sûr que quand on se met à produire beaucoup de la même espèce, ben malheureusement, il y a une diminution d'espèces. Donc, c'est un gros mélange de poissons. C'est comme le hot dog du poisson, si on veut. Ouais, le ballonné. Ballonné. Le ballonné. Donc, c'est un poisson maigre au goût relativement neutre qui prend les caractéristiques de la préparation ou des assaisonnements qui l'accompagnent. Fait que c'est un poisson méli-mélo, si on veut, le goberge. Alors, il a subi une transformation selon une méthode qui a été inventée par les Japonais au 17e siècle, qui importait beaucoup de poissons et qui voulait manger du poisson même en dehors des périodes de pêche. Donc, c'était une façon de le conserver plus longtemps. C'est pas dégueu, là. Vous ne serez pas dégoûté après que vous ayez expliqué en quoi ça consiste, là. Donc, le surimi, c'est un concentré de protéines de poisson libéré de ses saveurs, de ses odeurs et de ses groupes, que ce soit neutre pour qu'on puisse le mettre dans toutes sortes de plats. Ça devient une pâte, presque. Une pâte, oui. Une pâte sans saveur. C'est ça. C'est comme ça. Le tofu, béton, si on veut. Oui, ça ressemble à ça. Oui, bon, bon parallèle. Donc, c'est pour ça qu'on peut le garder quand même assez longtemps dans le frigo, 90 jours à 3 mois, s'il n'est pas ouvert. Là. Ah, ouais. Une fois ouvert, c'est 7 jours, à peu près. Okay. C'est quand là, on même s'entend, long, on là. Parle des emballages scellés, non des... Des paquets emballés. Des paquets en vrac, là, si on veut. Épicerie, là. Oui, bonne précision. Donc, les emballages scellés, là, faits par, je sais pas, Ocean Machine, là, ceux qui font les poissons. J'en ai acheté cette semaine parce que quand j'ai fait ma chronique, ça m'a vraiment donné c'est goût. C'est bon, dans le salade, dans si j'en ai dans mon frigo, oui. C'est tellement bon. Moi, je mange ça en avant de la TV. C'est bon. Grignoter. Dans des soupes, là. Partout. Une soupe asiatique, là, dimanche. Oh, c'était très, très bon. Donc, vraiment, ça prend vraiment le goût, là, tout en gardant quand même une bonne texture. Puis, il y a quand même un petit goût caractéristique du goberge qui reste, mais pas très fort. Mmh. Donc, contrairement aux autres poissons qui se conservent 2-3 jours au frigo, là, ben, le goberge, 7 jours quand même. On se donne le goût, berge. Non, on recommencera dans le Donc, pour avoir sa forme, on le travaille énormément. Hein? Donc, d'abord sur le bateau, aussitôt qu'on les pêche, les poissons, bon, on les vide, on les étête, on les mixe à toutes les autres, puis on les lave à l'eau douce plusieurs fois, justement, pour enlever tout le gras, le sang, les tissus conjonctifs, les enzymes. À contre-courant qu'on lave, j'imagine. Comme un poisson, il faut que tu laves par en haut de ton eau qui descend. Oh. À contre-courant. Les poissons font ça, ça nage à contre-courant. Fait que tu fais la même chose. Ça, c'est juste pour aller frayer, me semble, qu'ils nagent à contre-courant. Ah, exact. Mais il ne faut pas les prendre pendant qu'ils frayent, ça, c'est sadique. Okay. Donc, on fait ça pour justement pouvoir les conserver plus longtemps. On les congèle pour les apporter en bateau ici, parce que ces poissons-là, il n'y en a pas par ici. Ça vient soit bon, du Japon, de la Chine ou de l'Europe. Donc, le temps de les apporter. Arrivé en usine, bon, on s'assure de leur blancheur éclatante. Hein, ça, c'est vraiment frappant du goberge, là, quand on en mange, à quel point c'est blanc. Donc, il va y avoir un petit traitement avec des additifs, là, du sulfate de calcium, fécule, du blanc d'œuf, de l'huile, etc. Puis, on lui ajoute du colorant. Vous vous rappelez, il n'est pas que blanc. Hein, rose, un peu rouge? Ben, c'est orangé, hein, okay. Comme orange-rouge. Donc, en fait, pour faire ça, on prend du paprika désépicé. Ah! C'est spécial. Donc, tu goûtes pas le paprika, mais que la couleur... C'est ça. Mais déjà, je trouve que le paprika, ça goûte à rien. Ah. Ça goûte pas grand-chose. C'est plus pour la couleur, hein? Qu'on en met sur chinois. Les... Exactement, les patates pilées. Fait que, dans le fond, c'est comme du pigment paprikaïen. Mais oui. Ça ressemble à ça. Tel qu'on la connaît, hein, en épicerie, on peut la retrouver en forme de bâtonnet, de dés, de médaillons, même en miettes, en tranches. Ou il y en a en forme de crustacés. Moi, j'en ai jamais vu, mais je trouverais ça bien comique. C'est comme les mecs croquettes faites en forme de poulet ou de pâte de poulet, tu sais. Ah, ce serait le fun, des petites croquettes de goberge en forme de girafe. Ah, pané, mettons. Je sais pas, je pense que ça se fait, c'est du goberge pané. Il me semble que j'ai vu ça quelque part. Ça doit être bon, mais tu peux le faire toi-même, j'imagine. Oui. Ça, dans du panko, Oui, c'est vrai. Tu le coupes en petits morceaux, puis ça y est, on vient d'inventer quelque chose. Oh. Let's Avec go. Un peu de jaune, un peu d'œuf, puis de la farine. Puis. Hey, on essaie la, ça. La, la, la. Prochaine bouffe de la semaine. Donc, goberge, je sais pas, c'est bon parce que c'est une bonne source d'oméga 3, de magnésium et de phosphore. Mais évidemment, que ceux qui aiment le poisson frais et naturel, le surimi est à proscrire. Hein, oui. Parce que c'est pas du poisson frais, là, évidemment, mais c'est très bon. Non, mais tu prends pas ça pour du poisson. Moi, je classe plus ça dans la catégorie crevette. Oui. Ah, oui. Ça n'a aucun rapport, là, mais c'est avec goût. Les crevettes à l'épicerie. Fait que moi. Catégorie crevette ou comme le chip du craquelin. Le goberge comme le fast-food du poisson. Puis je sais pas si c'est parce que je viens de la Gaspésie, mais moi je dis de la goberge. Ah? J'entends du goberge, puis je trouve ça bizarre. Je sais pas si c'est juste moi ou... Faudrait vérifier ça, par contre. Genre, je sais pas si c'est du ou de la goberge. D'après moi, c'est du goberge, parce que dans des milieux plus officiels, c'est ce que j'ai entendu. Mais moi, j'ai tout le temps dit de la goberge quand j'étais petite. Fait que ça reste, veux pas. La goberge féminin, non commun. Donc, bravo. Ah ouais? De la goberge. Donc, ouais. Je voulais... Ah ben, tabarouette. Revenons en arrière. Donc, aujourd'hui, je vais vous parler... De la goberge. Ah ben, tabarouette. C'est bon, ça. Voilà. Donc, de la goberge. Alors, maintenant, on passe au GI. Mais seulement GI. Je vais vous parler des Joe. Joe. Plus tard. Ah. Je vais commencer par vous parler des GI. Hein. Donc, ça, c'est le surnom des soldats américains. Qui leur a été donné pendant la Seconde Guerre mondiale. Parce que la loi militaire aux États-Unis stipule que toutes les fournitures militaires, comme les lits, les uniformes, les armes qui appartiennent au gouvernement, doivent porter la mention « Government Issue ». C'est ça que ça veut dire. Alors, fourniture du gouvernement, puis les soldats, ils se disaient, on est une fourniture du gouvernement. Oui, on n'est que des outils en donc, forme d'homme. Donc, GI. Ils sont devenus des GI. Ah. Mais ça, c'est à la Deuxième Guerre mondiale, parce qu'avant, ils s'appelaient des Sammies. Des Sugar Sammies. Parce qu'en fait, c'est en référence à l'oncle Sam, hein, le symbole de l'Amérique. Donc, on disait des Sammies, mais maintenant, c'est des GI. GI Joe. Donc, les GI Joe qui ont été inventés en 1964, des figurines d'action de 12 pouces de haut à cette époque. Là, c'est les premières. C'était énorme comparé à aujourd'hui, non? Oui, très gros. Très gros, en fait. Comme une poupée Barbie, là, un peu la même grandeur. Ou un sous-marin, 12 pouces. 12 pouces, figurine d'action GI Joe. Donc, le premier, c'était, il y en a eu juste un au début, le Joe. Là. Puis, ça s'est diversifié pour devenir comme l'ensemble des figurines étaient des GI Joe. Donc, au début, c'était que des soldats blancs et mâles, masculins, évidemment. Ben oui, puis après, il y a eu GI Jane. Oui. Puis au Québec, G.I. Serge, sûrement. G.I. Fernand. Non, c'est pas vrai, ça, je pense, ça n'a pas existé. G.I. Robert. Ouais. Peut-être. petit à petit, en 1965-66, il y a eu des G.I. Joe africains, asiatiques et tout pour varier là, les nationalités. C'est très crédible, hein, un Joe japonais. En fait, c'est plus des combattants militaires. Mais c'était tous des Américains, là. C'est ça. Ça doit, oui. Ah, oh, c'est ça. Parce que quand ils ont fait les comics, il n'y avait pas d'accent asiatique ou c'était très, très américain. Puis la GI féminine, en fait, c'est une infirmière. Ça ne pouvait pas être une combattante. Il fallait que ce soit une infirmière. En 1967. C'est la fille à la cafétéria, tu sais. Non, mais c'est le super sexiste des années. Elle fait partie de la gang, mais ça n'a pas trop un gros rôle, tu sais. Donc, en 1982, on passe plutôt aux figurines de 3 pouces et 3 quarts, plus petites, parce qu'on se dit que ça prend moins de place, c'est sûrement plus pratique et tout. Par contre, en 1991, les magasins Target font une commande spéciale à Hasbro, qui a créé G.I. Joe, puis leur demande de ramener des figurines de 12 pouces de G.I. Joe. Donc, ils vont ramener, Hall of Fame Duke, là, Duke qui est le commandant des G.I. Joe, si on veut, là. Et, ça fait vraiment un tabac, là. Les jeunes sont vraiment repartis là-dessus, et surtout les collectionneurs, hein. Donc, là, ils ont créé les Sideshow Collectibles en 2009. Donc, des figurines très, très, très détaillées. Et ça leur a permis aussi de faire des éléments de décor, hein, parce qu'on sait que ceux qui collectionnent ces jouets-là, là, les Hot Toys ou peu importe, vont aussi se créer un environnement pour l'afficher dans une vitrine puis prendre des photos. Donc, ils ont développé ce marché-là aussi. Donc, voilà pour la première partie de la lettre G. Il est bon de 1, tableau 1. On a le tableau 2 tantôt. On va continuer avec la lettre G. Par contre, avant ça, musicalement parlant, j'ai trouvé un groupe qui commence par G. C'est Stéphanie qui nous l'a suggéré assez fou. Donc, c'est Gramercy Riffs. Ah! Voici Desire Trails. C'est le Viro Dictionnaire avec Véronique Mire. Gramercy Riffs et la pièce Desire Trails, toujours à Assemblage Requis. C'est le Véronique Sionnaire de Véronique Mir. Oh oui! En plein dans la lettre G. Ouais! Mm-hmm. Donc, on a parlé des G.I. Joe juste avant la pause musicale. Hein, puis, j'étais bien déçu de voir que les femmes G.I. Joe, en fait, c'était des infirmières. Mais dans les films des G.I. Joe, par exemple, il y a une fille G.I. Joe. Demi Moore, cheveux rasés, dans G.I. Jane, le film. Ah, oh, mon Dieu! Ah oui, mais ça, c'est autre chose. Ouais, ben c'est basé sur. Mais le film des G.I. Joe, il y en a, là. Okay. Il me semble Cobra, truc muche, là. Oui. C'est semble... animé, ça. Le film de G.I. Joe, non? Non, non. Il y a un film, là, qui est sorti c'est avec Channing Tatum. Oui, c'est vrai, ça. Mmh. Il se met du tenu dedans. De micro. Donc, et on a parlé de goberge aussi, hein. Donc, il faut pas être écœuré par le goberge. c'est bon. Ça va. C'est neutre. Donc, maintenant, je vais vous parler de gigantisme. Ah, cool! Oui, très intéressant. Donc, qu'est-ce que c'est que le gigantisme? C'est l'acromégalie qui est le résultat d'une augmentation de la sécrétion d'hormones de croissance par l'hypophyse. Donc, souvent, ça va être associé à une tumeur bénigne de l'hypophyse. C'est 40 personnes sur 1 million qui sont affectées ou atteintes de gigantisme, plus particulièrement des femmes de 30 à 40 ans. OK. Ça m'a assez étonnée. Je pourrais penser que ça aurait été plus des hommes que des femmes, hein, parce qu'on a l'habitude de voir des grands hommes, mais moins de grandes femmes. Donc, évidemment que ça va... bon, l'hormone de croissance va retenir sur le squelette, bon, pour que ça soit plus grand. Les tissus mous, les métabolismes qui provoquent des complications rhumatologiques, hein, parce que là, le corps est pas mal disproportionné. Cardiovasculaire et métabolique. Donc, les signes de la maladie, parce qu'il y a quand même des enfants qui peuvent être atteints. Ben, l'excès d'hormones de croissance fait qu'ils vont grandir, évidemment, plus vite. Parce que les cartilages ne sont pas soudés, hein, donc ils vont grandir très rapidement. Tandis que chez les adultes, l'excès d'hormones va plutôt faire un épaississement. Comme leur croissance est terminée, ça va être les os qui vont s'épaissir et devenir courts et plats. Ouais, pas très plaisant, ça. Dommage. Épaississement des os courts et plats. Ils vont devenir plus gros. Oui. Les os. Ouais, pas le contraire, ça marche pas. Donc, c'est quand même plusieurs modifications assez spéciales. Comme par exemple, bon, c'est sûr, bon, le pointure de gants, le chapeau et compagnie vont tous devenir plus grands. Oui, on a tellement de misère à magasiner des gants. Donc, je pense pas que c'est le plus grand problème, mais ouais. C'est chronique, tu sais. Une hypertrophie du nez. Il va avoir un nez plus petit, des oreilles ou de la langue qui vont rester petits. Hein. On peut juste penser à un géant. Souvent, hein, ils ont un petit nez. en plein milieu de leur gros visage ou les petites oreilles. Hein, donc, les gros géants là, dans les films. Là, on les sept pieds, pas, etc. Ouais. Pas ceux qui souffrent de gigantisme. Là, saillie des arcades sourcilières, des grosses narines, des grosses mains. Au niveau plus physique général, bon, de la lassitude, plus de sueur, plus de poils. Là, bon, des douleurs aux os, évidemment. Hypertension artérielle. Donc, l'augmentation du volume de l'hypophyse va souvent aussi provoquer des troubles de la vision, hein, parce que c'est proche des nerfs optiques et tout ça. Donc, ils peuvent même devenir tranquillement aveugles. Fait qu'on voit un peu apparaître là-dedans le mythe du cyclope un peu aussi, hein, ah oui, qui était un géant qui voyait mal et tout. Donc, souvent, les mythes viennent des fois dans ces cas-là de maladies ou d'atteintes physiques, hein, qu'on a mis un de peu façon comme les exponentielle. Oui. Comme on avait parlé avec la lettre V, là. Oh mon Dieu, il y a un bout de ça, mais oui. L'été passé. Jadis, on pourrait même dire jadis. Jadis. Un autre mot qu'on a utilisé dans une chronique du Vironictionnaire. Jadis. Tout tourne ensemble. Puis, on en a ici proche de Trois-Rivières, bon, qui ont passé à la télé dans le dernier mois à Shawinigan, une famille atteinte de gigantisme, dont Vincent Champagne, un des garçons de la famille, 24 ans, qui mesure 7 pieds 1 pouce, qui chausse des 18. Ses 6 frères et sœurs, dans ses 6 frères et sœurs, il y en a un seul qui mesure en dessous de 6 pieds. Le rejet de la famille, comme on l'appelle. Lui-même est un joueur de basketball à l'UQAM. Il doit avaler 4000 calories par jour. Normalement, on a besoin de 2000. Mais quand on a le gigantisme, ben, pour fonctionner, pour bien être actif, il faut doubler. Manger tout le temps. Ben oui. Puis il dit bon, que c'est tout le temps une adaptation. Hein? Les vêtements, le lit qui doit être fait sur mesure, l'auto. Évidemment qu'une smart, c'est impossible. Les bancs d'école qui doivent être aussi adaptés à lui. Pour les vêtements, d'ailleurs, ben, ils doivent beaucoup magasiner sur Internet. Leur mère magasine énormément en ligne parce que les vêtements pour les... il y a beaucoup de vêtements pour les gros, grands, mais pas de vêtements pour les grands, minces. Donc, ceux qui sont atteints de gigantisme, souvent, ne sont pas aussi gros. Puis, lui-même dit qu'au niveau social, ben, c'est positif. Hein, puis, sa sœur aussi en parle. Bon, qui ont une certaine responsabilité, puisqu'ils sont grands, ben, ils s'en servent pas là, pour intimider les autres. Mais évidemment que les gens l'écoutent quand ils parlent, puis qu'il y a le respect des autres parce que sa taille le rend imposant. Ben, je comprends. C'est pieds. T'appelles ça monsieur, puis tu respectes ça. Hein? Fais attention. Donc, s'il y a des traitements, évidemment, bon, au niveau chirurgical, on peut retirer la tumeur, mais les gens vont devoir avoir un traitement hormonal à vie. Ou, dans le cas des gigantismes modérés, ben, on va provoquer une puberté plus précoce. Okay. Donc, par administration d'hormones sexuelles. Voilà, pour le gigantisme. Intéressant. Oui. Vocabulaire, c'est mon dernier petit bout. Hein, je finis toujours par un vocabulaire. Un blitz. Donc, le golf. Oh, golf, pas la voiture, donc le sport. Non, le sport, le golf. Ça aurait pu aussi être l'affaire, l'eau, là. Le golf, le golf aussi. Du Mexique, mettons. Ouais. En fait, bon, je pense que c'est ça que je connais. Moi aussi. Le golf du Mexique. La Jetta Golf. Non, Volkswagen. Le Volkswagen Golf. Le golf. Tu connais-tu un autre golf, toi? Hein? Bug. J'ai des baies en tête, mais des golfs, non. On se donne le golf. Ouais, eh ben, on arrête ça. Fait que, donc, le golf, quoi neuf? Le sport, le golf, oui. Donc, on compense quand on disait, bon, gentlemen only, ladies forbidden. C'est faux, ça. Acronyme, c'est totalement faux, puisque la création des acronymes ne date que du 20e siècle. Pas sérieux, pour vrai? Oui. Il n'y avait pas d'acronyme avant ça. Il n'y avait pas d'acronyme avant. Bon, on en a fait ensuite avec certains mots qui existaient déjà, mais les mots n'ont pas été créés par acronymie. Wow! Donc ça, c'est bon à savoir. Donc, le terme golf, ça se pourrait... Bon, il y a plusieurs hypothèses, hein, c'est toujours comme ça. Bon, le 6 mars 1457, c'est la date du premier écrit officiel qui mentionne le golf. Le roi James II d'Écosse interdisait les jeux de golf et de football sur les terrains réservés à l'entraînement à l'arc. Pour pas avoir de balles dans le front, j'imagine. Ou ça pourrait être aussi en Allemagne, où on disait Spielmettenkolben, qui était un jeu joué avec un club. Colvin ou Kolb qui aurait donné. Ou un club sandwich. C'est ça, Kolb sandwich. Peut-être. Ouais. Maudit, Mathieu, pas le matin, ça marche pas. C'est pas ma journée pour les blagues. Quand même. Peut-être allemand. Mais l'origine du sport en tant que tel est purement écossaise. Donc, le sport a été inventé en Écosse. Donc, voilà pour le golf. Le gentleman only, ladies forbidden, c'est faux. Oui. C'est faux. OK. Ouais, pour le golf avec un E à la fin. Alors, de parler du golfe du Mexique, on est un peu liaison de ne pas penser au golfe du Saint-Laurent. Mais oui. Ouais. Que tout le monde connaît, qu'on apprend ça genre au primaire. Et on oublie ça au secondaire. Mais sinon, toutes les autres, je les connais pas. Savez-vous ça? Il y a des golfes fermés qui sont des mers intérieures. Il y a le golfe de Corinthe, le golfe de Morbihan, en France, le golfe Persique. Puis il y a des golfes mi-fermés, c'est tous des golfes que je connais pas. Le golfe de Patras, le golfe de Thaïlande, le golfe de Botnie. Ouais. On les retiendra pas, malheureusement. Non, c'est ça, c'est, mais je les lis puis je les connais pas plus, fait que... Ben, c'est souvent ça. Associé à la ville ou le pays proche duquel ils sont. Ou un autre cours d'eau. Ou, c'est ça, un cours d'eau plus important, comme le golfe de Thaïlande, c'est plus le pays, fait que ça dépend de l'appellation. Bonne précision, Steph, merci. Quatre petits mots pour terminer. Donc, gabegie, qui signifie désordre, gaspillage provenant d'une gestion défectueuse et malhonnête. Gabegie. Gadou, hein, qu'on connaît bien, qu'on a connu, là, en fait, c'est pas mal passé, là, cette période-là. Hein, pas celui de pousse la ou du café, là, ça, c'est Agadou. Agadou, oui, pas okay, pareil. Gadou. Donc, terre détrempée, boue, masse de neige visqueuse, qu'on peut aussi appeler gadouille, et c'est un mot qu'il y a dans le dictionnaire également, pour boue ou gadou. Et en Suisse, eux disent gadrouille. Gadrouille. Ouais, pourquoi pas mettre une lettre de plus, tu sais. Puis, on peut même dire gadrouiller, qui veut dire patauger dans la gadrouille. Ou à travailler chez Antirouille Métropolitain, c'est le gars de la rouille, le gars de la rouille. Oh, oh! You know? Non. Les galantins, donc, c'est un mot vieilli, un amoureux ridicule. C'est un galantin. Et finalement, un garde-bœuf. Hein? Qu'est-ce que garde-bœuf? C'est pas le gars d'Astérix, là, avec sa charrette, là, qui change « Je suis un marchand de bœuf. » Du monde entier, le plus heureux. Exactement. Non. C'est un petit héron blanc d'Eurasie et d'Afrique qui se perche sur des bœufs, les buffes, les rhinocéros et les hippopotames. Oui. Puis comme le rémora, dont je vous avais parlé à la lettre R, lui qui se promenait avec les requins, là, leur petit gugus, ben, il se nourrit de leurs parasites. Donc, mais voilà. On dirait que je le vois dans ma tête, là. Le petit oiseau perché, ben, y a des images sur Google, c'est bien comique. C'est quand même pas petit, là, c'est pas pire. C'est le workout du bœuf qui traîne son oiseau sur sa tête. Donc voilà, partie 1, lettre G, terminée. Oh, on continue la semaine prochaine avec un autre groupe de mots. Eh oui, dans deux semaines, c'est sûr. Ben oui, il te reste, en fait, je pense que ça va être la dernière chronique. Avant l'été, après ça, on s'en reparle. Cet été, on est là, disons. Ah oui? On est là cet été. Un peu. Je pensais qu'on partait en voyage. peut-être. Ben, tu viendras avec nous autres. Oui, ça serait le fun. Donc, Véronique Mire pour le Véronictionnaire. Merci beaucoup. Ça me fait plaisir, comme toujours. À dans deux semaines. Oui. Nous, on prend une petite pause au retour. Quelqu'un qui s'apparente à David Ferron sera avec nous en studio. Et ça ne peut... Un jumeau aussi à moi, quelconque, peut-être. Et ça ne peut que mal tourner. Restez là. Ah... Vous êtes dans la zone 89.1. Assemblage requis est présenté par le service aux étudiants de l'UQTR. Bonjour, vous êtes toujours à Assemblage Requis en ce jeudi 10 avril 2014. Je m'appelle Mathieu Plante, Stéphanie Paradis va être de retour dans quelques secondes en compagnie de quelqu'un. En tout cas, je sais pas c'est qui, là. Je sais pas, parce que j'ai vu qu'il y avait quelqu'un dehors qui était en forme d'un homme, n'est-ce pas, Steph? David Ferron. C'est un homme? C'est un homme, en tout cas. C'est un être vivant, en tout cas, parce que ça bouge humain. Tout le temps. Donc, on va lui parler dans quelques instants. Je pense que c'est un chien. Il fait... OK. D'accord. On va écouter une pièce, une nouvelle entrée en fait du palmarès francophone. Voici Bory et Brel Ferré. Ah, ça marche. Oh, on se créera en France, comme si c'était un stéréotype. Ouais, c'est ça. Stéréotype. Ça, c'est un magasin électronique, ça, je pense, un stéréotype. Stéréotype. Ne me quitte pas, avec le temps va, tout s'en va. Il faut oublier, tout peut s'oublier. Faut laisser faire, et c'est très bien. avec le temps. Moi, je t'offrirai des perles de pluie venues de pays où il ne pleut pas. Avec le temps va, tout s'en va. On oublie le visage et l'on oublie la voix. Oublier ces heures qui tuaient parfois à coups de pourquoi le cœur du bonheur ne me quitte pas. Avec le temps, je t'inventerai des mots insensés que tu comprendras. Je te parlerai de ces amants-là le samedi soir, quand la tendresse s'en va toute seule. Avec le temps, on a vu souvent rejaillir le feu d'un ancien volcan qu'on croyait trop vieux. Avec le temps va, tout s'en va, l'autre à qui l'on donnait du vin et des bijoux, pour qui l'on eût vendu son âme pour quelques sous, devant quoi l'on se traînait comme traînent les chiens. Ne me quitte pas, ne me quitte pas. Tout va bien. Avec le temps, je ne vais plus pleurer. On oublie les passions et l'on oublie les voix. Ne rentre pas trop tard, surtout ne prends pas froid. Avec le temps va, tout s'en va. Laisse-moi devenir l'ombre de ton ombre. Et l'on se sent blanchir comme un cheval fourbu. Et l'on se sent tout seul peut-être par les années perdues. Alors, vraiment, avec le temps, ne me quitte pas, on n'aime plus. Bori, la pièce Brel Ferré sur l'album Balade, Salade, Malade à Assemblage Rocky. Vous vous rappelez peut-être, il y a quelques moments, il y a quelques mois, on avait un chroniqueur récurrent, tout le temps en train de faire la vaisselle en studio, David Ferron. Il nous a quittés pour aller rejoindre une autre équipe, apparemment, une équipe meilleure que la nôtre, hein, faut croire. Chantal Carignan, on ben sait là, bien. Chantal Carignan puis Mathieu Plante. Oui. Mets ça à côté, voyons. Même combat, non? Il me semble. Non. Non, pas vraiment. Mais le revoici, le revoilà. C'est la chronique branche. Pas brancher le monde, c'est comment ça s'appelle ça? La langue dans ton oreille. Oui. Mais, les... Ça fait trop longtemps que je suis pas venu. Ouais. David Perron, bonjour! Bien, bonjour! C'est la chronique La langue dans ton oreille qui fait son retour temporaire, en tout cas au moins aujourd'hui. Oui, comme c'est arrivé à quelques reprises durant la session d'hiver, mais là, je suis content de voir en chair et en os toi et Stéphanie. C'est vrai, ça. Steph est peut-être moins heureuse, non? Est-ce que t'es heureuse? Non, excusez. Ça se faire un fouet comme pas, là. J'avais comme pas quoi répondre à ça, là. Et t'es heureuse. Dis ça à ta face, voir qu'elle est heureuse. Ah, là, c'est parce qu'elle a du kaki dans la face, pour ça. Du kaki dans la face. Ouais. Explique-nous ça, voir. Oui, merci de spoiler ma chronique de tantôt. Ouais, moi, j'ai rien entendu. Attends un peu, j'ai pas entendu ça. Parce que c'est pour la bouffe de la semaine. T'es pas supposé nous le dire parce que c'est une surprise à la fin de l'émission. Mais moi, j'ai rien entendu. Ouais, mais lui, il fait des spoilers, là. En tout cas, David, tu gagneras pas ta chronique back again. C'est temporaire. Ça part mal. C'est ça. Donc, je sais pas comment est-ce qu'on procède. Moi, j'ai aucune idée. Je sais que j'ai reçu des trucs. J'ai reçu une enveloppe. Oui, puis sérieux, ça fait peur. Avec le mot, le nom, en fait, propre. Mathieu. C'est ton nom. Le mot propre. Mais le nom propre. C'est un nom propre, okay. Mathieu. Même s'il n'y a pas poussé de chien. Mathieu, je sais pas, juste je un truc. Il y a un cœur bizarre dessiné en dessous. Je pense que David, tu le trouves louche, son cœur. Ben, le cœur. Oui, ça me rappelle. Pourquoi louche? Ben, ça me rappelle quelqu'un que j'aime pas trop. Ouais, c'est vrai, on dirait des testicules. mais à l'envers, je pense. En tout cas, ou une paire de fesses. Ah, est-ce qu'on ouvre l'enveloppe? Comment est-ce qu'on procède? Là? Guide-moi, s'il te plaît, David. Stéphanie, je te laisse le ben, ouvre-la. Non, mais prends-la, tu vas pouvoir l'ouvrir dans le micro magique en plus, comme dans le bout de la semaine. Ah oui, cool. C'est vrai, vous avez comme changé les caoutchoucs, ou ben pas les caoutchoucs. Les condoms qu'il y a sur le micro, on a tous changé ça. Ouais. Oh, j'en veux tout ça, mais ça fait. Donc, attention, je baisse la trame pour ouvrir l'enveloppe. Aïe, aïe. Paper cut. D'enfer, j'essaie d'ouvrir avec mes dents. Attends, je vais vouloir que tu déballes la lettre aussi directement dans le micro magique aussi. Il faut que tu ouvres la feuille dans le micro magique. Il sert à rien, ce micro magique, là, c'est drôle. Donc, d'accord, est-ce que tu veux le lire toi-même? Il faudrait savoir si ça s'adresse à qui. Est-ce que tu as vu? Ben, ça doit être à Mathieu, c'était écrit Mathieu sur l'enveloppe. Mais pourquoi on a fait ouvrir ça à Steph? Parce que tu voulais que je le mette dans le micro magique. Ah, OK, ça va. Donc, je lis. Cher Mathieu, virgule. Je pense que c'est à toi ça s'adresse. Ouais, c'est pas une dictée, là, je vais pas lire les virgules. je t'ai fait confiance, mais tu m'as détruite. Ta haine envers moi s'incarne-t-elle une bombe atomique sur mon frêle cœur? Je ne comprends pas du tout ce que je viens d'écrire. En effet, c'est ma meilleure amie Wiki Hilton qui m'a aidé à rédiger cette lettre. Alors, je pense que ça va mériter quelques explications, d'après moi. Moi, je comprends. J'ai des doutes. Vas-y. Alors, s'il y a des trucs avec des abeilles, des champs comme un champ de bouse, et des vaches en extase, ne te demande pas pourquoi. La vache en extase, ce n'est pas moi en passant, c'est plutôt Stéphanie. Quoi? Hein? Je me fais-tu insulter dans une lettre qui ne m'est même pas adressée? Je pense que oui. Ma bonne amie Wiki, on s'est rencontrés à l'hôpital psychiatrique. Nous sommes devenus les meilleurs amis du monde. Un jour, alors que nous cherchons des éléphants roses, nous nous éloignons soudain un peu trop de la porte d'entrée de l'Institut. Depuis, on cherche toujours cet éléphant, mais aussi ton cœur, Mathieu. Pourquoi me le fermes-tu tel une chenille se refusant de devenir papillon? Je comprends pas pourquoi une bibitte en devient une autre. Wiki ne veut pas m'expliquer. Elle n'a pas le temps, me dit-elle. En effet, nous devons continuer à trouver un moyen de faire disparaître Stéphanie. Wiki m'a promis un voyage en Angleterre si on réussit notre mission. Moi qui a toujours rêvé de voir la Tour Eiffel. Épaisse. Alors, Mathieu, je suis revenu pour toi. Tu sais, j'ai plein de qualités à l'extérieur et aussi un peu à l'intérieur. Comme un pain pétri avec amour tout droit sorti du four. Ai-je l'air d'une baguette de pain? Wiki puis ses idées de pouette. Voici trois chansons proposées par Wiki parce que moi et la chanson française, c'est plate! Vive Justin Bieber! Vive Mathieu Plante! Mathieu, je t'attends. Là, normalement, c'est là que je partirai la musique, mais j'ai envie qu'on s'explique un peu. Là. Non, c'est mais signé moi, Marie Melon. Moi, j'aimerais ça comprendre pourquoi on m'attaque dans cette lettre-là. Ouais, c'est quoi l'affaire? Est-ce qu'on peut résumer? Parce que j'ai essayé l'autre fois de résumer la situation et je me suis planté royalement. Donc, David et Stéphanie, s'il vous plaît, racontez-moi l'histoire de Marie Melon, Wiki Hilton, Gustave et les autres. OK. Ben, Gustave et Marie Melon, ce sont mes sœurs et frères, c'est à moi qui se sont détachés de moi. À la naissance? Oui. Par un docteur, un médecin? Oui. Donc, après ça, moi, j'ai eu une aventure avec Gustave. Gustave, qui est le cousin, ben pas le cousin, mais le frère français, la version française à moustache un petit peu vlimeuse. Et c'est quoi le lien entre toi et Wiki? C'est qu'en fait, Marie Melon et Wiki, comme on l'a découvert dans la lettre. D'ailleurs, Marie Melon, ça veut dire qu'elle est encore vivante. Marie Melon, on la pense est morte. En fait, il y a même eu toute une histoire. J'ai vu un court-métrage sur sa mort, ici même assez fou, vu par mes oreilles. Là, en fait, Wiki, elle était amoureuse de Gustave et m'en voulait à moi. Oui. De l'avoir volé, finalement. Marie Melon et Wiki sont les bestes. Wiki, c'est ça, c'est l'ami de Marie Melon. Marie Melon, qui est aussi une des sœurs siamoises avec Gustave et David Ferron. Ouais. C'est celle, on se rappelle pour ceux qui suivent, de petites mains à mamelon attachées après ses seins. C'est une déformité. Pour nourrir sa portée de chat. Pour nourrir sa portée de chat. Voilà. Donc, Wiki, elle est juste une amie. Il n'y a pas de lien de parenté avec David Ferron. Non, une chance. À ce qu'on sache. Mais non, mais c'est parce que si elle est amoureuse de Gustave, je sais pas, c'est pas la même famille. Malgré que c'est donc déjà louche. C'est ça. Je veux dire, ce serait pas au-delà de leur mais je comprends potentiel. Toujours pas pourquoi ils t'écrivent à toi pour te dire qu'ils veulent se débarrasser de moi. Ça n'a pas vraiment de sens, hein? Mais bon, attends, OK. Ouais, je sais pas. C'est vraiment la vache en extase, c'est pas moi, c'est plutôt Stéphanie. Elle traite de vache, ça, c'est clair quand même. Ben oui, mais pourquoi il dit ça à toi qu'il veut se débarrasser de moi? Je comprends pas. Oui, qui m'a promis un voyage en Angleterre si on réussit. Moi, en tout cas, là, elle m'a dédié trois chansons. Est-ce que vous voulez écouter les trois chansons qui puis, qui on va se concentrer. Hein? Oui. On le dit, là, les chansons pour ce conseil. Oui. Et les paroles vont sûrement avoir un lien avec quelque chose. On va pouvoir analyser tout ça. Pendant, ou pas. Ou pas. Donc, commençons avec Fanny Bloom. Voici « Je t'achèverai ». Commencement, je trouve. Je pense que c'est un message. C'est subtil. Il va falloir décoder les paroles. Ça fait peur. Comme je te C'était Charles Gainsbourg et le chat du café des artistes. Et en fait, j'ai serré la lettre pour voir le reste des chansons que notre amie Marie Melon nous avait envoyées. Il y a eu Jill Capel avec J'aime, je déteste au milieu et Fanny Bloom avec Je t'achèverai juste avant, au tout début du bloc. On est toujours avec David Ferron. C'est le frère de Marie Melon, en fait. Explique-nous encore une fois, tantôt on a commencé l'explication, mais tu m'as sorti quelques phrases vraiment intelligentes, je trouvais, pendant la chanson. Ce serait le fun s'il est dit en ondes, ces phrases-là. Il garde l'intelligence pour le hors onde, puis après ça, il nuit à sa crédibilité en venant en onde. Puis là, Chantal Carignan fait comme, voyons, je veux plus être associé à ça, je m'en vais. Mais c'est quoi le rapport? Faut que tu expliques pourquoi Chantal Carignan, parce qu'à tous les semaines, le lundi. Bon, les plugs maintenant. Ben oui, mais faut que le monde comprenne c'est quoi le lien avec Chantal Carignan. J'aurais dit à la fin, mais vas-y. Donc, c'est Raconte-moi ta ville les lundis à 18h. Oui, exactement. Sauf que pour la semaine prochaine émission, on va faire relâche, mais on va revenir l'autre semaine d'après parce que tous les lundis à 18h, mais également le dimanche en rediffusion à 16h, Chantal Carignan interview quelqu'un qui a visité une ville partout dans le monde. Ça peut être autant une ville au Portugal, autant au Mali. Bref, je donne quelques exemples comme ça. Et là, il y a également une chronique littéraire également une chronique sur l'actualité mondiale. Et moi, de mon côté, je donne des exemples de chansons. Du pays en question. L'apocatière, ça compte-tu? Je sais pas, faudrait que tu penses. Visiter des villes, moi, je peux te dire l'apocatière, trois pistoles. Ouais, ça, c'est plus des villes québécoises en tant que telles. Là. Ah, mais t'as pas précisé, là. Ouais, c'est vrai. Des villes. C'est ça, je l'ai vu des villes. Là. Ailleurs au Canada. OK. Le titre devrait donc être « Raconte-moi ta ville ailleurs au Canada » et puis partout. Ailleurs qu'au Canada ou ailleurs au Canada? Ouais, c'est ça, en tout cas. Donc, « Raconte-moi ta ville » les lundis à 18h. Mais sinon, donc, tes phrases intelligentes? Oui. Moi? On aimerait ça comprendre. À part que je me sens soudainement lésé, je pense que je vais être traîner en cours. Là. C'est quoi? C'est des menaces, là. On parle de la lettre qu'on a lue de Marie Melon. Oui, là, on parle plus musical. De « Raconte-moi ta ville ». Ben, OK. Là, on revient à la lettre bizarre que tu as lue avant les trois chansons. C'est qu'en fait, Wiki Hilton, vous vous rappelez, c'est celle qui déteste Stéphanie, Marie Melon étant la meilleure amie de Wiki. Marie Melon fait exactement tout ce que Wiki lui demande de faire. C'est une copieuse, donc. Oui, exactement. Donc, si Wiki déteste Stéphanie, Marie Melon va détester Stéphanie. Voilà. Ben, je pensais qu'on avait une belle relation, moi et Marie Melon, avant. Je trouve ça dommage. Mais Wiki a une influence néfaste sur elle. Finalement... Ouais. C'est pas, peut-être pas moi, grosse vache, dans l'histoire. Peut-être pas. L'histoire ne le dit pas pour l'instant, mais on va suivre les aventures parce que j'ai déjà entendu parler d'une prochaine mise en contexte et mise en situation dans les prochaines semaines. Donc, on attend ça. Parce que moi, ça me rappelle juste la fois dans le passé où Marie Melon était décédée. C'est ce qui va nous amener au prochain bloc. Donc, on va écouter ça et on revient juste après. C'est à l'assemblage requis. Et pour l'instant, la mort de Marie Melon, comme dans mes souvenirs. Je fais de la harpe. Ceci est un message de Sifu Extermination au service de la radio étudiante de l'UQTR et des oreilles de l'humanité. Rassemblage qui pour toi aujourd'hui. Vous êtes dans la zone 89.1. Sifu. Le service aux étudiants de l'UQTR vous présente Assemblage requis. Bonjour, c'est toujours à Assemblage requis en ce jeudi 10 avril 2014. Laissez préparatifs. Excuse-moi, Steph, j'étais sur l'autre. Attends un peu. Entre deux phrases. Tu fermes ta bouche, là, je pèse, puis tu parles. Allô? Lui, c'est Mathieu Plante. J'ai ça quand on embarque dans un mot, je trouve ça a l'air tellement comme pire que juste oublier d'ouvrir le micro. T'sais. Déjà une gaffe, c'est comme... Tac. Hey, parlant de gaffe, David Ferron m'a demandé tantôt si c'était... si je voulais vraiment qu'il revienne avant la fin de la session pour faire une autre chronique. Et là, François Landry a suggéré une... Radio-réalité. Radio-réalité. Oui, ce serait parfait. Oui. Une petite émission de 3 heures à la place des Osbournes. Ce serait les Ferrons. Ah, mais il faut ça pour des chiens qui font caca partout? Sûrement, en fait. S'il n'y en a pas, on va y rajouter en post-production. On va-tu pouvoir éliminer quelqu'un aussi? Peut-être. Je pourrais payer 50 cents, moi. Pour éliminer David Ferron. Puis c'est lui qui fait les autres personnages. Fait que dans le fond, ça va tout annuler. Ah, c'est good, ça. C'est la racine du problème, je pense, c'est David Ferron. Un épisode. Un épisode est retiré avant la fin par le président du réseau. C'est fou. Worldwide Federation. On accueille le président, presque le juge. L'honorable. Chef, l'honorable. Chef du groupe. Votre sainteté. J'aime ça. Voici François Landry et Logocratie 101. S'il vous plaît. Collègue. Le début est solennel. Quand je peux. Royal. Gang sister. Collègue, s'il vous plaît. S'il vous plaît. Le début est solennel. Pompeux. Royal. Le directeur général des élections dans nos rêves, en tout cas, François Landry. Hein? J'aimerais tellement ça. C'est pas pire parce que les choses changeraient un petit peu. Ça, un petit peu, tu dis? Ouais. Et bâton. On parle. Bâton! Bon, non, ben, j'ai pas mis mon R à la fin. D'accord, mais je vais retenir ça, là. J'aime ça. Bâton, popsicle. Aujourd'hui, ton titre, c'est proportionnel et constant. Donc, j'imagine qu'on revient sur la température du moment. Oui, tout à fait. C'est dans le rouge. C'est dans le rouge. Mettons. Plus que dans le rouge. Bourgogne. Ouais, c'est ça. C'est comme qui perd Bourgogne, là, l'émission. Là. Qui perd Bourgogne? Je vais noter ça, là. Oui. Voilà, oui, oui. Merci. Oui, donc, il y a eu des élections le 7 avril passé. Donc, pour ceux qui étaient pas au Québec ou ceux qui ont... qui avait la tête dans l'autruche, comme dirait l'autre. Oui, la tête dans l'autruche. Oui, Gérard Deltel qui l'avait sorti, la tête dans l'autruche. Il y a eu des élections au Québec lundi. Il y a eu un état de choc d'un parti. Il y a eu une belle surprise pour un autre. Puis il y a eu un what the fuck d'un troisième parti. Hey, moi, je me suis étouffé avec ma tranche de pain quand j'ai ouvert la TV. Tu avais préparé une tranche de pain justement oui, pour ça. Pour me préparer, pour réagir avec ma tranche de pain. C'était soit le lancer dans les airs ou soit m'étouffer avec. Je me suis étouffé solide. T'as préféré mettre le doigt dans la prise de courant du toaster. Donc, on l'a dit, on est dans le rouge. Oui. On est dans le rouge Est-ce que c'est l'économie? Est-ce que c'est... Non. C'est les sièges à l'Assemblée nationale qui sont dans le rouge. C'est la section des rouges. La section des rouges, oui. Ils coûtent pas mal plus cher aux autres. Moi, c'est des bons billets d'habitude, ça. Oui, ouais. Ça dépend le spectacle. Ça dépend où? Ça dépend le spectacle. Les bâtons, comme on dit. Les bâtons, ouais. Donc, le Parti libéral du Québec qui forme désormais le gouvernement majoritaire au Québec. 70 sièges. Majeur qui est aussi le signe que les Québécois ont envoyé vers le parti. C'est le vers un autre parti, oui. Donc, ça prenait 63 sièges pour être majoritaire. Et le Parti libéral en a 70 avec 42% du vote populaire. Donc, ils ont la majorité absolue en nombre de sièges, mais 42% de la population ont voté pour eux. Marche pas, là. Ça marche pas. Il y a une distorsion, là. Le Parti québécois, 30 sièges. On passe de 55 à 30 sièges. C'est une méchante débarque. Ça fait mal. Avec le quart des votes des Québécois, donc 25%. Retenez ce chiffre-là. Okay. La CAQ, 22 sièges. Donc, 8 de moins que le Parti québécois, mais 2% de moins que le Parti québécois en termes de vote. Encore là, c'est disproportionné. Québec solidaire, 3 sièges, 8% des voix. Les autres, donc tous les autres partis. Mon pays, le Québec et les autres partis comme ça. C'est ça, oui, exactement. Donc, 0 siège, hein, on s'en sera entendu, mais 2% des voix. Donc, ils sont quasiment derrière Québec solidaire, aucun siège. Donc, il y a vraiment quelque chose qui se passe dans le système électoral au Québec. Et notre cher ami Alain Lefebvre, directeur de la programmation ici, m'a demandé hier tout souriant, en pensant que j'étais prêt à être fâché. Il dit « Puis François, t'as-tu gagné tes élections? » Et je dis « Oui, Alain, je les ai gagnées, puis je suis content. » Il me regarde en me dire « T'as pas voté libéral? » Je dis « On a prouvé une fois de plus que le système électoral au Québec est déficient. » Ben oui, il y a des lacunes là-dedans, comme ça se peut pas. Et là, il est parti à rire dans son... dans sa barre. Dans sa barre, ben oui. Voilà, tout simplement. Donc, je te salue, Alain. Donc, si on regarde les résultats électoraux de très près, on voit que le Parti québécois et la coalition Avenir Québec n'ont que 2% d'écart dans le vote populaire. Une différence qui se traduit pourtant par 8 sièges d'écart, comme je disais, en raison du système politique. Ici, Québec avait adopté un système proportionnel. Hein? Je fais le petit exercice, à savoir dans quelle démocratie meilleure nous vivrions aujourd'hui. Donc, au Québec comme au Canada, le candidat qui a reçu le plus de votes dans sa circonscription l'emporte. C'est pas celui qui dégage une majorité, c'est celui qui en a le plus. Oui. Donc, tu peux finir avec 10%, si les autres ont 8, tu gagnes pareil. C'est une bain, me semble, ça a l'air logique. Ça a l'air logique, mais c'est 10% de la population qui aurait voté pour toi. Oui, c'est ça. Comme les libéraux, c'est 42% de la population qui a voté pour eux et pendant 4 ans, ils font ce qu'ils veulent. Oui. Parce qu'en commission, en chambre, partout, ils sont majoritaires. Donc, tous les projets de loi vont être adoptés. Donc, tu peux t'opposer, mais c'est une opposition factice. Mm. S'il est reconnu pour créer des gouvernements stables, le système majoritaire uninominal à un tour, c'est comme ça qu'on appelle notre système. Uninominal. Okay. Mène parfois des résultats distorsionnés, c'est-à-dire un écart considérable entre le pourcentage de vote qu'un parti reçoit et le nombre de sièges qu'il recueille. On lui reproche alors de perdre des votes. Donc, même si je vote à Trois-Rivières, même si je vote pour Option nationale, mon vote est perdu parce que ça ne donnera rien. Je sais qu'il ne passera pas. Est-ce que tu vas aller voter? Est-ce que tu vas dire non? Ou je vais taguer mon ami sur Facebook dans Westmont puis on va échanger notre vote. Vote pour Option nationale. Moi, je vais voter libéral ici. Donc, je vais gagner mes élections. Ça sert à quelque chose, ça. Ça fonctionne. Okay. Oh, oui, ça fonctionne. C'est bon. Ceux qui contestent le système majoritaire uninominal, notre système actuel, proposent donc l'instauration, sous une forme ou sous une autre, d'un mode de scrutin proportionnel. J'en ai relevé deux. Il y en a des dizaines, mais j'en ai relevé deux qui pourraient s'appliquer facilement au Québec. Il y a le mode de scrutin proportionnel intégral. Donc, l'État d'Israël fait partie des quelques pays qui utilisent cette façon de compter les votes. Le pays en entier n'est qu'une seule circonscription. Donc, il n'y en a pas 125, il y en a une, c'est Israël. Donc, la part des sièges obtenus par le pays à la Knesset, qui est le parlement là-bas, représente fidèlement le pourcentage du vote recueilli aux urnes pour chacun d'entre eux. Donc, on vote pour le pays, le parti politique. Oui. Si le parti politique obtient 60%, il a le droit à 60% de députés. Okay. Donc, c'est logique. Ben, tu peux choisir. Mais ça marche. Oui, ça marche très bien. C'est logique. Hein? C'est la base, la maternelle en politique. Donc, si le Québec avait un tel mode de scrutin, le Parti libéral aurait obtenu 18 sièges de moins le 7 avril dernier. C'est considérable. C'est considérable. Là. Tandis que tous les autres partis auraient fait des gains. Donc, de plus, Option nationale et le Parti vert du Québec auraient fait leur entrée à l'Assemblée nationale. Oui. Wow. Petite entrée, mais une entrée quand même. Une entrée quand même, parce que ceux qui votent pour le Parti vert, Option nationale, ont aussi des idées, ont aussi une vision du Québec. Donc, ça serait juste normal. Écoute, ce serait le gros bon sens que quelqu'un les représente à l'Assemblée nationale. Donc, ça, c'est le proportionnel intégral. Il y a aussi le scrutin mixte compensatoire. Ça, on en parle, il me semble pas mal plus. C'est lui qui serait le plus adapté pour le Québec. T'as entièrement raison, Mathieu. Hybride entre le système majoritaire uninominal et la proportionnelle, ce mode de scrutin est l'un des plus souvent cités en exemple, puisqu'il permet aux régions d'élire un représentant tout en réduisant les risques de distorsion électorale. L'Allemagne, notamment, utilise ce mode mixte. Et on sait que l'Allemagne, c'est une grande démocratie, ça fonctionne, hein? Tu sais? Oui, oui, c'est ça. Parfait, parfait. Oui, oui. Ah, écoute. Oui, quand c'est allemand, on sait que c'est des bons produits. Comme dirait Vince dans les pubs de l'éco-pubaté. Chamois. On sait que les Allemands font juste des bonnes affaires. C'est ce qu'il dit. Bon, tout à fait. Voilà. Donc, l'électeur, alors qu'il se retrouve dans l'isoloir pour voter, se retrouve à deux voix. Donc, il vote deux fois sur le même bulletin de vote. Donc, une colonne pour élire directement le candidat de sa circonscription. Exemple, ici à Trois-Rivières, je veux Jean-Denis Girard. OK? Mais c'est un représentant du Parti libéral. Donc, je vais voter Jean-Denis Girard parce que je sais que c'est l'homme de la situation. C'est un exemple fictif. Ben oui. C'est un exemple, hein? Bon. L'autre colonne, c'est un vote pour le parti. Je veux Jean-Denis Girard comme député, c'est un bon diable, mais je déteste le Parti libéral. Je peux-tu voter Parti québécois? Donc, tu votes Jean-Denis Girard et la colonne d'à côté, Parti québécois. C'est comme un jeu d'association, tu sais, comme dans les quiz à TV où tu dois envoyer, tu sais, bon, Jean-Denis Girard, lui, va avec les libéraux, tu sais, faut que tu fasses. Sauf que là, à la place, tu peux faire n'importe quoi, tu sais. Ouais! Il n'y a pas de bonne réponse, tu sais. Exact. C'est cool. Exact. Donc, ce deuxième vote sert à combler les sièges dits compensatoires. Ils sont calculés en fonction du pourcentage de voix récoltées à l'échelle nationale, auquel on soustrait le nombre de circonscriptions réellement remportées. Mmh. Exemple, puisque c'est de l'inconcret, là. On a 125 circonscriptions au Québec présentement. On abolit les 125 circonscriptions. On ne garde que les 75 circonscriptions fédérales. De toute façon, il n'y a aucun sens. La division de ces affaires-là, en ce moment, ça n'a aucun sens. Ça fonctionne par proportion d'électeurs. Ouais, donc, c'est environ 40 000 électeurs par circonscription. Okay. Donc, dès que tu dépasses 40 000, tu peux jouer un peu jusqu'à 60. Okay. À dire 60, il faut te couper 2-3 rues, les donner à une autre circonscription pour conserver 40. Ça devient mêlant pour l'électorat. C'est pour ça qu'à Montréal, tu as un quadrilatère d'un kilomètre carré, c'est une circonscription. Ouais. Et tu as comme Ungava, qui est de Chicoutimi jusqu'en Abitibi, jusque dans le nord du Québec, c'est une seule circonscription. Oui. Une GABA. Une GABA. Voilà. Ah, un GABA. Oui, donc, on conserve les 75 circonscriptions fédérales. Quand je dis fédéral, c'est le découpage, pas le modèle fédéraliste. Donc, c'est le découpage. Donc, on a 75 députés que nous élisons ici au Québec. Donc, j'en ai une Gérard, exemple, une Noël-le-Champagne dans Champlain. Bon, on s'amuse avec ça. Et ensuite, l'autre colonne, on élit 50 personnes qui vont représenter le parti politique et non pas un député. Hmm. Donc, les partis politiques dressent une liste avant de 20, 30, 50 noms, je sais pas trop, il faudrait voir. Des colons et des colonnes. Voilà. De personnalités, soit des éminences grises ou des vedettes de la télé, puisque je sais qu'il y a des partis politiques qui aiment bien savoir des vedettes chez eux. Apparemment. Oui. Donc, admettons Mathieu Plante. Ben oui, le Mathieu Plante. Le parti pirate décide de mettre Mathieu Plante sur sa liste de personnes. Donc, dans une proportionnelle, au Québec, les gens, les geeks de l'informatique disent « Nous autres, on vote le Parti pirate. » Donc, le Parti pirate, qui recueille 5% minimum de votes populaires, peut nommer un député. Ensuite, ça monte 6%, tu as le droit à 6% de toute la liste. Donc, le Parti pirate dirait « Moi, je vais avoir Mathieu dans ma liste parce que je vais le nommer ministre de l'informatique. » Ben oui. Ah, ça serait juste génial, ça. C'est parfait. Tu ferais ça juste de ta journée. Ou ministre du Facebook, ou peu importe quoi. Donc là, le Parti pirate dirait « OK, moi, je vais avoir Mathieu Plante comme député. » C'est pas la population qui a élu Mathieu Plante. C'est le parti qui te nomme. Oui. Parce qu'il a recueilli des votes, tout simplement. Donc, le ratio utilisé dans plusieurs cas est de 60-40. Donc, 60% des députés élus dans une circonscription et 40% élus par un mode compensatoire. C'est celui qui semble faire consensus pour ceux qui sont intéressés par une réforme de scrutin au Québec. Comme tu disais, c'est celui qu'on entend parler le plus souvent. Oui. Il y a une grosse pétition sur Facebook en ce moment par rapport à ça. Qui a eu 40 000 noms en une seule journée. Donc, c'est quand même... Est-ce que ça va donner quelque chose? On ne sait pas. Ben, c'est une pétition à vase. Donc, ça n'a aucune valeur. C'est ça. C'est pas légal. C'est pas légal, mais c'est aucune valeur vraiment de revendication auprès du gouvernement. Donc, selon cette hypothèse, un parti doit toutefois obtenir un minimum de 5% du suffrage, ou sinon il y aurait tellement de partis politiques au Québec qu'on aurait 125 colons ou colonnes pour être représentés. Le même seuil qu'utilise présentement l'Allemagne, puisqu'on sait que l'Allemagne, ils font toujours ça bien. Et si le Québec avait eu un tel système, le Parti libéral aurait perdu 7 sièges le 7 avril, donc aurait 63 sièges, aurait la majorité. Mais il ne faudrait pas que quelqu'un tombe malade un jour de vote parce qu'ils perdent leur majorité. Et les sièges auraient été donnés à Québec solidaire et Coalition Avenir Québec. Donc, le Québec solidaire, exemple, a eu, au lieu de 3 sièges, en aurait eu 9 sièges dans une proportionnelle. Et la CAQ, au lieu d'en avoir 22, en aurait eu peut-être 25. Donc, il y aurait eu un jeu de... Et Parti québécois aurait monté à 40-quelques, là, je n'ai pas le chiffre exact, là. Mais le Parti libéral... Ça aurait été représentatif un petit peu plus et ça n'aurait pas nuit tant que ça au Parlement, ou comment... Pas le Parlement, comment on appelle ça? L'Assemblée nationale. Ça aurait pas nui au processus, ça aurait été correct. Ça aurait juste... Il y aurait plus de gouvernements minoritaires au Québec, sauf qu'un gouvernement minoritaire, on le dit nous-mêmes, il faut un consensus. Donc, ouais. le Parti libéral qui est majoritaire fait ce qu'il veut. Donc, on n'aime pas le plan Nord, n'importe quoi, il a le droit de le faire, il est majoritaire. Tandis que minoritaire, t'as pas le choix de t'entendre avec les partis de l'opposition. Donc, en théorie, tu représentes plus de population parce que minoritaire, Parti libéral, donc les libéraux, doivent aller voir les caquistes pour dire est-ce que tu veux qu'on s'aide. Donc, ça forme une majorité de la population qui sont d'accord avec les partis. Donc, ça serait juste plus logique. Ouais. Voilà. Donc, les avantages de chacun des modes de scrutin. Le système majoritaire uninominal favorise l'élection d'un gouvernement fort et stable. Pendant les 4 prochaines années, on n'a pas à se casser la tête. Le gouvernement libéral fait ce qu'il veut. Hein? On n'a plus besoin de s'occuper de politique. La politique s'occupe de nous pour les 4 prochaines années. Maintient une représentativité géographique, soit un lien fort entre le candidat élu et sa circonscription. Parce que mon député, c'est lui qui est au gouvernement. Tout simplement. Et c'est très simple à comprendre, voire simpliste. Donc, tu votes, puis à un moment donné, quelqu'un à Radio-Canada TVA te dit qui a été élu. Le mode proportionnel réduit les distorsions électorales, donc Option nationale, Parti vert, aurait pu avoir leur voix à l'Assemblée nationale. Permet une représentation équitable des moyens et petits partis. Parce que quand un petit parti existe habituellement, c'est parce qu'il y a une problématique précise qui est soulevée. Donc, ça veut dire que ça représente une partie, une frange de la population. Ce serait juste normal qu'on puisse les écouter. Et il augmente le taux de participation de 5 à 6% dans les pays qui l'ont mis en place. Exemple, au Québec, en 2012, le taux de participation était de 74,6%. En 2014, il est de 71,43%. Il est en baisse constante. Il y a seulement 2012 qui a monté. On se souvient, c'est le lendemain du printemps étudiant. C'est le seul. Depuis les dernières élections, depuis les 10 dernières élections, on est en chute constante. On est parti de 80-quelques pourcents à 71,43%. Et pourtant, les méthodes de vote étaient améliorées cette année avec, entre autres, le vote dans les écoles. Exactement. Il y a beaucoup plus de votes, de journées de vote par anticipation. Avant, anticipation, c'était ceux qui partaient en voyage ou qui étaient malades ou n'importe quoi, qui votaient avant. Maintenant, c'est un jour de vote normal. Ouais. Le bureau de vote étudiant, comme on l'a vu ici sur le campus, c'était pour inciter les étudiants à aller voter. Et si on fait une parenthèse, non seulement il y avait le bureau de vote étudiant à l'université, dans toutes les universités du Québec, si je comprends bien, ouais. Mais en plus, les gens ont eu congé de cours lundi, ouais, pour aller voter. Oui. Il y avait comme genre 4-5 jours dans leur vie pour aller voter. Ils l'ont pas fait. Pourquoi? J'imagine. Pourquoi? Ouais. Parce que soit qu'ils sont désintéressés par la politique, il y a une grande partie de la population, oui. Ben oui. Et il y en a beaucoup qui disent ça sert à rien que j'aille voter, mon vote ne compte pas. Parce que peu importe, ici à Trois-Rivières, on savait que c'était entre libéral et péquiste. C'est une raison. C'est ça. Moi, personnellement, je trouve pas que c'est une raison valable. Non. Mais bon. Voilà. Ben, y en a chacun qui sa façon de penser. Tout à fait. Donc, il arrive parfois que le mode de scrutin majoritaire uninominal renvoie sur les bancs de l'opposition un parti qui a obtenu la majorité des voix. Bien que rare, cette situation est survenue à 2 reprises depuis la Révolution tranquille, donc depuis une quarantaine d'années. Ça a été le cas du Parti libéral en 1966, puis à nouveau en 1998 lorsque le parti a dû céder le pouvoir au gouvernement péquiste de Lucien Bouchard. Lucien Bouchard a eu plus de députés, mais moins de votes que le parti de l'opposition. Donc, la majorité des gens ont... une grande partie de la population ont préféré voter Parti libéral, mais de par le découpage électoral, le Parti québécois a eu plus de sièges. Donc, voilà. Donc, ça serait à réfléchir, comme tu dis, une pétition. Donc, allez quand même le signer. Ça envoie un message à quelques députés. Mais... ça pourrait donner à quelqu'un de bien placer l'envie de peut-être mon... Voilà. Je ne sais pas qui va décider de ça. Actuellement, le Parti québécois l'a retiré de son programme électoral. OK. Parce qu'ils l'avaient dans leur programme. Une fois rendu élu, ils l'ont enlevé de leur programme. Parce qu'habituellement, ça avantage le parti au pouvoir. Ouais. Okay. Quand tu es au pouvoir, tu dis « J'ai plus besoin de rien faire, je suis majoritaire. Mm. » C'est ça. Je vais aller brièvement pour les constats à la suite de l'élection. Le balancier qui garantissait le retour périodique aux affaires du Parti québécois est brisé. Parce qu'avant, c'était 8 ans dans l'opposition, 8 ans au pouvoir. 8 ans dans l'opposition, 8 ans au pouvoir. C'est la moyenne au Québec. Mais depuis le référendum, le PQ n'a réussi une seule fois à remporter un gouvernement majoritaire. Et cela remonte en 98 sous Lucien Bouchard. Il avait quand même perdu le vote populaire aux libéraux de Jean Charest, comme je viens de le dire. Depuis 2003, soit une grosse dizaine d'années, le PQ a passé à travers 4 chefs et a occupé le pouvoir pendant seulement 18 mois, donc depuis 2003, en 11 ans, 18 mois de pouvoir pour le PQ. Wow. Avant lundi, le dernier parti à ne pas avoir réussi à remporter un second mandat au Québec avait été l'Union nationale dans les années 60. Parti qui n'existe plus. Qui, voilà. Voilà. Donc, sans le vote par anticipation enregistré avant la remontée de la CAQ dans les intentions de vote, le PQ ne serait vraisemblablement même pas le parti de l'opposition officielle. C'est la CAQ a remonté dans les deux dernières semaines. Et si les gens n'avaient pas été votés avant, on l'avait entendu le 7 avril, le Parti québécois aurait été rayé de la map, tout simplement. Deuxième constat, le Parti libéral vient d'obtenir sa meilleure chance de consolider ses liens avec le Québec francophone. Parce qu'il y a eu une augmentation de 200 000 votes chez les libéraux, en termes populaires, et c'est 200 000 de moins chez le PQ. Habituellement, le PQ, c'est pas les immigrants ou ceux qui votent, qui ont une langue seconde anglais allophone, qui votent le Parti québécois la plupart du temps. Donc, il y a eu un transfert du vote francophone chez les libéraux, donc des péquistes, des libéraux refoulés chez qui votent péquistes, qui ont maintenant traversé la Chambre. Il est également le seul parti à l'Assemblée nationale à faire la jonction entre les régions et Montréal, parce que Montréal, à part 7 circonscriptions, tout est rouge. Il y a seulement 7 circonscriptions qui sont... Il y a 4 péquistes, 3 solidaires, le restant est rouge. À l'époque, c'était 50-50. Donc, Montréal est rouge et le reste du Québec est rouge. Donc, maintenant, Montréal fait cause commune avec le Québec, si on veut dire. Denis Coderre est bien heureux, évidemment. Il voudra s'assurer que Philippe Couillard n'oublie pas la métropole dans ses prières. Donc, le premier ministre désigné dispose de temps pour voir venir aussi et pour passer à travers les intempéries qui l'attendent au tournant avec l'UPAC, l'Unité permanente anticorruption, et de la Commission Charbonneau. Parce que la Commission Charbonneau va commencer bientôt à parler du financement des partis politiques. Et là, s'ils sortent des lapins de Pâques, des chapeaux du Parti libéral, le Parti libéral va dire « J'ai encore 4 ans, la poussière va retomber ». Tu vois, c'est quoi un gouvernement majoritaire? Ouais. S'il avait été minoritaire, le parti aurait pu tomber la semaine prochaine. Mais non, on en a pour 4 ans. Tant pis pour vous. Troisième constat, François Legault a raison de dire que la coalition Avenir Québec a passé un test qui devrait assurer qu'elle est là pour rester. La CAQ est bien placée pour jouer le rôle de la réelle opposition officielle à l'Assemblée nationale. Surtout que le PQ va maintenant entrer dans une chicane. Il aime ça l'arcane au PQ, parce qu'il va falloir qu'ils se désignent un nouveau chef. Et pendant qu'ils chicanent entre eux autres, ils peuvent pas s'occuper des vraies affaires. Parlant de vraies affaires, Pierre Capelado et son vrai réseau et ses vraies affaires. Tout à fait. Le mot vrai. Oui, tout à fait. C'est ça. Donc, s'il a la patience d'attendre 4 ans, M. Legault pourrait encore avoir le tour comme aspirant premier ministre dans 4 ans, parce que le Parti québécois, s'ils ne font pas un examen de conscience, s'ils se ricanent pendant 4 ans, ça se pourrait qu'il soit rayé de la map dans 4 ans. Donc, François Legault pourrait devenir l'opposition véritable à Québec. Dernier constat, Québec solidaire a gruché du terrain au PQ lundi soir, mais pas suffisamment pour qu'on puisse dire que la formation de Françoise David a franchi un pas décisif en vue de son accession dans les ligues majeures de la politique québécoise. Il y a eu 60 000 votes de plus pour Québec solidaire, ce qui représente 1,2%. Un siège de plus, donc c'est un gros gain pour Québec solidaire. Plus de personnes. Hein? Ouais. Matt, puis moi, ça fait zéro. Donc, le débat qui s'annonce au sein de son rival souverainiste pourrait l'aider à se faire encore un plus grand nid chez l'électorat progressiste. Parce que si c'est Pierre-Carl Péladeau qui devient chef du Parti québécois, plusieurs qui sont de tendance gauche au Parti québécois pourraient dire non, moi, je peux pas. Mon éthique personnelle fait en sorte que je peux pas. Je pourrais aller voir Québec solidaire. Tant des membres que des votants. Ou peut-être devrait-il plutôt se présenter, ou devrait-elle se présenter à la tête du PQ? François David, chef du Parti québécois. Vous trouvez pas que ça pourrait avoir... Je sais pas. Je vois tes sourcils bouger seul. Ouais. Je trouve ça bizarre. Ouais, cela pourrait au moins permettre à cette formation, donc au Parti québécois, de parler des vraies affaires, on le disait, des vraies affaires ouais. Au cours de la course au leadership qui s'annonce. Parce qu'on pourrait ne pas parler des vraies affaires pendant la course, on pourrait juste dire « On va à la souveraineté! » C'était juste ça lundi soir, pas mal, ceux qui l'ont écouté le disco. Mais non. Évidemment, je blague pour Françoise David au Parti québécois, parce qu'on sait que l'eau et le feu ne font pas bon ménage. Hein? C'est comme un chien et un chat dans une chambre. Il y en a un des deux qui mange une volée. Je ne veux pas dire qui, mais habituellement, c'est le chien qui perd. Ça dépend si son bébé est qui, peut-être qu'il est deux. J'aime pas l'image. Ça fait mi-chat, mi-chien. Oui, c'est ça. Oui. Donc, voilà les constats. Donc, tant Québec solidaire, qui n'a pas augmenté dans les intentions de vote, doit avoir une remise en question aussi. Le Parti québécois, une sérieuse remise en question. Est-ce que c'est un parti d'une seule génération? Est-ce que les jeunes ont voté pour le Parti québécois? Les statistiques nous prouvent que non, les jeunes ont voté Parti libéral. Donc, je sais pas si c'est difficile à... Parce que c'est encore compté à la main, cette affaire-là. Est-ce, ouais. est-ce qu'il y a des catégories, est-ce qu'il y a des pourcentages? Non, mais il y a des sondages okay. à la sortie des votes, puis on va avoir d'ici un an. Malheureusement, c'est très long. Ouais. Les statistiques par tranche d'âge et par région, qui a voté quoi. Donc, ton bulletin de vote n'est pas si secret que ça. Ouais. Je te dis ça juste demain. Mm. Wow, c'est beaucoup de choses, tout ça. Hein? Beaucoup. Beaucoup. Beaucoup, beaucoup. Ouais. Donc, François Landry, on s'en parlera. Oui, sans problème. Parce qu'on te retrouve encore pour les prochaines semaines jusqu'à la fin de la session. Jusqu'à la fin de la session. L'Eurocratie 101, les jeudis, tout le temps, à 8h30. Oui, monsieur. Et c'est toujours bien intéressant. Merci à toi. Good. Fait plaisir. Donc, on est à l'assemblage requis. Dans quelques instants, c'est la bouffe de la semaine. Que oui. Ainsi que les péripéties de JP. Dans quelques instants. Avant ça, par contre, Kaiser Chiefs. Parce que les chefs, hein? Les chefs, les petits pains Kaiser. Les petits pains Kaiser, exactement. c'est ce qu'ils vont manger pour les 4 prochaines années, des petits pains Kaiser. Voici The Factory Guys, nouvelle entrée du palmarès anglophone sur C'est Fou 80 FM. Retour à la bouffe de la semaine, Assemblage Requis. Assemblage Requis pour toi aujourd'hui. Assemblage Requis est présenté par le service aux étudiants de l'UQTR. Bonjour, c'est toujours à Assemblage Requis. C'est votre émission matinale en pièces détachées. Elle, c'est Stéphanie Paradis. Lui, c'est Mathieu Plante. Oh, il reste seulement une vingtaine de minutes à l'émission. Aujourd'hui, on n'a pas le temps de faire les instructions d'assemblage comme on le fait d'habitude le jeudi, malheureusement. Mais ça va avoir lieu la semaine prochaine, c'est sûr. Peut-être même deux chroniques. Semi-malheureusement, parce qu'on a eu plein de bons contenus avant. Là. En effet, on a eu bien du plaisir. Et justement, on va continuer cette partie de plaisir-là tantôt avec la bouffe ainsi que la malbouffe de la semaine. Uh-huh. Mais avant ça, comme on le fait fréquemment, en tout cas moins fréquemment qu'avant, hein, ça se dit-tu? Moins fréquemment qu'avant, ça, c'est beau ça, je trouve, non? Comme un amant, mais qui serait comme fréquemment. Parce qu'il fréquente ou un vol au vent ou une fricassée. Non? Ce qui nous amène aux péripéties de JP. Fricassée de kangourou? Oui. Oh, bien. Les péripéties de JP, épisode 10. JP en vacances au bord de la mer. C'était JP qui apprenait à nager. Lâche pas, mon JP. Il y a bien quelqu'un qui va venir te sauver. C'est donc bien niaiseux, ça. Il me semble, ça sonne pareil comme quand il buvait du café à Salut Bonjour la semaine passée. Ah, mais il fait ça avec classe, là, boire de l'eau de mer. Vraiment? Je sais pas s'il s'entraîne peut-être pour cet été. Je sais pas ce qu'il va faire. Peut-être qu'il va animer assez fou cet été. On sait pas encore le plan de JP. JP est un homme occupé. On a pas encore eu le temps de savoir qu'est-ce qu'il va faire cet été. On sait même pas encore c'est quoi le plan de l'émission, en fait. Aucune idée, mais ça s'en vient. Il y a quelque chose qui s'en vient. J'espère. C'est de même. Voilà pour les péripéties de JP, on fait ça une fois de temps en temps. En fait, pour l'instant, c'est la dernière qu'on a, donc il va falloir qu'on travaille sur d'autres aventures. En tout cas, il va falloir que JP vive un peu sa vie. Hein. Ouais, c'est ça. C'est ça. J'ai entendu dire qu'il s'est acheté un spa. JP dans son spa. C'est le même gag à chaque semaine. En tout cas, merci JP de vivre et on le retrouve les lundis et mardis, ici même à Assemblage Requis, le matin. Voilà. Ça nous amène à la bouffe de la semaine et d'habitude on transitionne puis tu sais on a un petit là on fait ça c'est je sais pas si on parle assez pendant quelques peut-être 10 secondes encore on devrait pouvoir se rendre à un poteau qui va nous mener vers la bouffe de la semaine. Écoute bien ça. Présentation de Stéphanie, la dictatrice en chef. 10-06, Néré-Beauchemin, UQTR. Quand tu prends un coup, la vie est belle. Malgré les problèmes interrelationnels, il y en a qui me disent des fois que je suis un peu rapide, que je prends pas toujours bien la critique. Ben, ceux qui pensent ça, là, ben, qui m'ont... Des kiki! What the fuck is a kaki? What the fuck? C'est la bouffe de la semaine avec Stéphanie Paradis. What the kaki? What the kaki, j'aime ça. Une what de kaki, ça fait doux. Donc, c'est la bouffe de la semaine. Stéphanie Paradis, directrice en chef du journal Sur le Campus, qui nous présente cette portion santé de la chronique. Ben oui, cette semaine, écoute, il n'y a pas d'emballage à lire, il n'y a pas d'emballage à ouvrir. Ça va être plate en titi. Mais non. Je vous présente aujourd'hui le kaki. C'est un fruit. OK. C'est beaucoup trop santé, là, plus qu'à l'habitude, il me semble. Ah, c'est un fruit. T'as pas plus santé qu'un fruit. Rarement. Bon, j'ai jamais mangé de kaki, mais là, je me suis dit, comme j'ai pas d'emballage à ouvrir, comme j'ai pas de... j'ai pas rien à lire, t'sais, y a pas de marque de commerce, je me suis dit, je vais en faire un petit spécial. Je me suis couché l'autre soir, puis j'ai joué tout seul avec moi-même à fais-moi une phrase avec kaki, OK? Pas des jeux de mots? Ben, c'est fais-moi une phrase avec kaki. OK. OK? Fait que j'ai quelques phrases comme ça à te proposer. Quelques phrases? Fait que j'ai... aux États-Unis, c'est en Alaska qui fait le plus froid. Ah! Bill Clinton, c'est Monica qui lui a fait des guidi-guidi. si t'as faim, prends un petit tanka qui est à manger moins au souper. Ah! Puis la constipation, c'est un caca qui veut pas sortir. Ah, franchement, là, ça manque de classe, là. On dirait JP, là. Encore. On dirait que c'est comme l'insulte finale. À chaque fois que j'ai une blague à faire contre toi, c'est on dirait JP. Ouais, fait que je me suis couché l'autre soir, puis je me faisais des phrases avec Kiki. Aïe, aïe, ça fait dur. T'étais sur Kikipédia, puis tu pensais à François Legault, Kiki. Non, mais... Kaki. Ah, c'est celui-là que j'ai oublié. Et zut, bâtard, hein? Ah, je savais que fallait que je le prenne en note. J'en avais un avec la CAQ. Et bâton, comme dirait François Landry. En tout cas, la CAQ qui fait dur. Bon, c'est un jeu de temps faire. Bon, fait que on vous parle, oui, je vous parle du kaki. Le kaki, qu'est-ce que c'est ça, le kaki? C'est pas n'importe kaki. Pas n'importe kaki qui va manger ça. C'est ça. Le kaki, c'est aussi appelé le plaque mine de Corée. Comme parce tout le monde dit, mais oui. Oui, mais en fait, l'arbre d'où provient le kaki, c'est le plaque minier. Oh. Donc, c'est pas un kakié, c'est un plaque minier. C'est beau. Ben, c'est spécial. Ouais. Sinon, anciennement, on l'appelait figue cac. Donc, probablement que la cac s'est inspirée de ça pour le nom de son parti. C'est le fruit du plaque minier du Japon, de la famille des Ebénacées. Il a en mesure de 5 à 10 mètres de haut. Il y a pour 100 grammes de kaki, ok, j'ai des informations nutritionnelles là, quand même, je suis allée chercher ça sur les internets. Pour 100 grammes de kaki, c'est 127 calories. Je sais pas trop c'est quoi 100 grammes. Est-ce que c'est un kaki au complet? On sait pas, là. Parce qu'on l'a pas pesé, évidemment. Mais moi, ce que je regarde dans mes mains, je crois que c'est moins que 100 grammes. Donc, je vais vous dire un peu à quoi ça ressemble, le kaki. À une tomate. On dirait une petite tomate. Ouais. Hein? Je pense que c'est une petite peau lisse. Elle est très orangée. Il y a un côté orange plus foncé, je pense qu'il est plus mou. Plus mûr. Ooh, I love her. Plus mûr. Parce que c'est mou. C'est ça que je voulais dire. D'accord. Donc, c'est plus mou, ça cède un peu sous la pression du doigt. L'autre côté est un petit peu plus ferme. Donc, c'est orange foncé. Là, on dirait vraiment une tomate d'Halloween. Ouais. Tu sais, sur le dessus aussi, t'as les feuilles qui ont l'air quasiment fanées, là. Donc, ça fait très Halloween comme fruit. C'est une petite peau lisse, là. C'est tout mignon, là. Une peau de bébé. C'est mignon. Ouais, j'espère que ça se mange pas comme une tomate. Même comme la un légume, là, parce que je vais trouver ça plate, là. Parce que tomate seulement, moi, j'aime pas vraiment ça. Ça dit, j'ai recherché un peu sur Internet pour avoir des informations, et ça dit que c'est très important de le manger très mûr, le kaki, parce que sinon, c'est amer. Donc, j'ai aucune idée s'il est mûr. Je sais pas de quoi ça a l'air, un kaki mûr. J'ai jamais mangé de kaki. Donc, c'est la seule occasion où le kaki devrait être mangé. Avant ce moment, le fruit sera très amer. Et ça fait un petit peu peur, OK? Ça dit que... Attends un petit peu. Il y a une sorte de kaki, OK? Que si tu... je le trouve pas. Si tu le manges trop tôt... Ah oui, c'est ça. C'est le kaki ashiya, OK? C'est, oui, les jeux de mots sont faciles avec ça. Hein? Ça va t'amener aux toilettes, ça. Oh, les kakis. Bon. Non, pour vous, je le trouve pas. En tout cas, ça dit que, je l'ai lu, donc je m'en souviens, là. Ça dit qu'il y a une sorte de kaki, si tu le manges avant qu'il soit mûr, t'as les lèvres et la langue qui vont engourdir. Aïe. Enlève pas tout dessus, là. Je veux que tu fasses ça dans le micro magique, s'il te plaît, c'est pour ça que je t'ai approché. Je gosse avec les feuilles. Ben, dans parce qu'on a rien sinon à faire, donc je vais baisser la trame, tu vas pouvoir enlever les petites feuilles sur notre kaki et tu vas pouvoir tout couper ça dans ce micro magique-là, il est tellement fin. Donc les feuilles sont très sèches. Oui, c'est des feuilles sèches, peut-être qu'ils ont mangé un kaki pas mûr puis ça a fait des lèvres sèches. Donc très important de ne pas se frotter de kaki sur les parties, sinon ça fait des lèvres sèches. Franchement, Steph, t'as aucune classe en disant ça, mais bon. Je sais, après un jeu de mots avec caca, je trouve ça correct. Moi, de mon bord, je réalise que je peux parler à plein volume, sauf que ça me donne de l'écho, comme à chaque fois. Mais si Steph parle fort, c'est juste pas supportable. T'sais. Donc, on. C'est jamais supportable quand je parle fort. C'est vraiment supportable, surtout quand tu dis salé, mettons. Mais là, il n'y aura pas de salé, ça va être du sucré, c'est du sucre. Donc, je pense qu'on est prêt à couper notre kaki live en direct en studio. On fait ça avec un couteau. de chasse et un couvercle de plastique de bol. Donc, attention. Le micro magique est prêt. Oh! C'est cute, on a inventé le petit kaki. Bon, ça va faire pour ça. Ça va être le moment de goûter ou de séparer en deux pour commencer. J'écartèle le kaki. Parce que j'ai hâte de goûter, mais à chaque fois que je dis ça, je suis tout le temps trop à l'avance. Il faut décrire l'intérieur, il faut décrire l'odeur. Il y a plein de choses à faire avant de goûter. Le campainer, Mathieu Plante. Oh! OK. Ça a l'air de bien s'effilocher, je trouve. L'entre deux pièces, si on veut. L'entrejambe de kaki. L'entrejambe. Ben écoute, je vais te passer ta partie. J'ai aucune idée comment manger ça. Ben moi non plus. Okay. Moi, j'ai amené une cuillère. Okay. La peau se mange, comme la tomate. Merci. Mais comme je suis pas fan de petite peau, moi, instinctivement, j'ai le goût de le manger comme un kiwi. Kaki, kiwi, je trouve ça proche. Ben oui. Donc, t'as un côté un peu plus mou que l'autre. Je te dirais de commencer avec celui-là. Tu sais, le côté qui est un petit peu plus juteux, là. Tu trouves pas que ça sent, je sais pas si t'as senti encore, ça sent les petites cerises, tu sais, les petites cerises, là, genre... Les cerises de terre? De terre, exactement. Ah ben, si ça goûte ça, je vais trouver ça franchement dégueulasse. J'avoue que j'aime pas ça, moi, non plus, tant que ça. J'ai goûté quelques fois, j'ai pas détesté ça, mais j'ai regoûté par après, puis ça m'a vraiment tombé sur le cœur. Mais j'ai jamais vraiment senti la cerise de terre, donc je pourrais pas dire... Et je sais pas si vous avez remarqué, j'ai le nez bouché, là, donc je sens pas tant grand-chose. On remarque dans quelques consonnes que tu utilises des fois, depuis quelques phrases. Je sais. Mais bon, donc on y va avec la cuillère. En tout cas, moi, je vais avec la cuillère, je sais pas pour toi. Oui, moi aussi, je plonge la cuillère. C'est vraiment très... Vraiment, j'ai dit effiloché tantôt. J'ai de la misère à me défaire un morceau, ça pogne, il y a des petites... C'est filamenteux plutôt. Mais en fait, je suis pas capable de l'enlever de là, mon morceau que j'ai pogné là. Ben, j'ai réussi à m'enlever un petit morceau, donc continue à parler, moi je vais y goûter. Ok, parfait. Donc c'est très très orange, très très gélatineux, on dirait comme... peut-être pas un pudding, mais on dirait un... De la misère à le décrire pour vrai. On dirait un fruit en compote, genre Del Monte, on dirait dans son propre jus. T'aimes pas ça? Ça se voit dans ma face? Non, j'aime pas ça moi non plus. Vraiment pas. Mais il est peut-être pas assez mûr, mais il est quand même sucré, là. Moi, ouais, c'est sucré, mais on dirait que le goût me revient pas en tout. Mais tu sais, il faut dire que c'est la première fois qu'on mange quelque chose. Ah! Mais c'est la première fois qu'on mange quelque chose, il faut se laisser, je pense, c'est à peu près 8 à 12 tentatives avant de commencer à apprécier quelque chose. Okay. Moi, c'était ça avec pas mal tous les légumes dans la vie. Ça a toujours été très long avant que j'aime ça. Puis, mange un morceau de poivron, ça m'écœure. Remange du poivron, ça m'écœure. Puis là, à un moment donné, il te pogne une rage de poivron, t'es couché dans ta chambre. Puis là, tout d'un coup, tu rêves à des poivrons. Non? Ben, peut-être. Ça me rappelle. C'est quoi l'autre affaire? L'autre affaire. Mais c'est pas. On avait dit des cerises de terre tantôt. Ça goûte un peu ça. Pour vrai, ça goûte un petit peu ça, je trouve, moi, personnellement. Là, mais j'ai pas mangé des tonnes de cerises de terre. Ça me rappelle un peu. La consistance d'une pêche, genre. Ouais, je sais pas, mais il y a tellement de filaments. Ouais. D'après moi, ça serait plus facile de croquer dedans que d'y aller à cuillère. Il n'y a aucun plaisir à le faire à cuillère en ce moment. Ah non, j'ai pas de fun. Ni à le manger, en fait. J'ai comme pas envie de passer mes 8 tentatives en ondes à manger ça. T'sais. Fait que je vais comme le déposer avec la cuillère qui est bien lichée, tu sais. Voilà. Ben, on dirait que je sais pas. Mais tu sais, c'est peut-être pas l'idéal non plus de le manger de nature. C'est ça, tu peux même le faire cuire, tu sais, tu peux le faire confire, tu peux le manger cru en salade, tu peux le faire cuire et en mettre dans toutes sortes d'affaires, tu peux faire des compotes avec ça, tu peux faire des confitures, donc t'as plein de choses que tu peux faire avec le kaki. On s'entend, il y a plein de fruits et de légumes qui se mangent pas tellement nature seuls. Mais qui peuvent apporter une petite touche agréable à plein de recettes. Dans une salade de fruits, ouais. Moi, vraiment, je trouve que ça serait bon. Ça me déplairait pas du tout. Mais c'est ça, je pense que le kaki pourrait apporter un petit quelque chose de sucré, même des fois une salade de pâtes ou une salade, un mélange de laitue, quelque chose, ça apporte une petite touche de sucré avec des noix. Peut-être que ça pourrait être bon. Qu'est-ce que t'en penses? Je suis d'accord avec toi. Moi, je serais prête à le réessayer dans un autre contexte que nature à cuillère. Dans une recette, je suis sûr qu'il y en a plein en plus des recettes avec du kaki dedans. Je sais même pas s'il y a des gens qui mangeraient ça tout seul comme ça. Pour vrai, les petits bouts qui s'effilochent, là, moi, j'aime pas cette texture-là dans ma bouche du tout. C'est juste pas plaisant. Mais bon. Là, j'ai repris de boucher, mais... Oh, c'est quand même comme... semi-croquant. Ah. En tout cas. C'est pas concluant pour moi. Je suis sûr que c'est pour un autre public que le mien. Mais c'est pas si pire. J'ai repris une autre bouchée, puis je suis certaine que je l'apprécierais beaucoup en salade. Quelque chose de frais, estival. C'est vrai. Avec des noix, des vinaigrettes légères, juste une huile d'olive. Je suis certaine que ça serait agréable. Ça a quand même un petit goût rafraîchissant. Pas d'agrumes, mais bon... Je saurais pas dire si c'est un goût de quoi. C'est dur. Mais ça a une texture peut-être un petit peu farineux, justement comme une pêche. Ouais. Peut-être que c'est pas assez mûr encore. Ça aurait peut-être pu laisser une journée sur le comptoir. C'est ça. Moi, j'ai mis au frigo, puis je pense que ça va pas au frigo. Peut-être. Mais n'ayant pas, c'est le but même de la bouffe de la semaine, on dit à chaque fois, mais on n'a jamais essayé à l'avance ces produits-là. Donc, c'est sûr qu'on sait pas à quel moment faudrait le manger. T'sais, si tu avais essayé à différents degrés de mûraison, mûriétude, c'est ça. Tu aurais sûrement réussi à nous amener ça à son optimal, son niveau optimal, et on aurait adoré ça. Donc, vraiment, c'est du. On y va un peu au pif avec la bouffe de la semaine dans ce cas-ci, mais c'est appréciable d'avoir essayé un fruit et on n'avait jamais fait ça encore. Alors oui, on avait essayé la banane, c'est vrai. Enfin, jadis. C'est à l'époque on n'avait pas la règle de faut jamais l'avoir essayé. C'est ça. Je pense qu'une banane puis un yogourt, on avait déjà essayé ça. Mais bon. Donc voilà pour la bouffe de la semaine. On va dépasser si on met une chanson, malheureusement, donc on va devoir y aller comme ça. Direct, flush. Direct, mais on va faire comme tantôt. Ça a un petit peu moins marché tantôt, mais on va y aller avec un petit intermède si on veut, tiens. Non, la malbouffe de la semaine. Il y en a qui me disent des fois que je suis un peu à pic, que je prends pas toujours bien la critique. Mais ceux qui pensent ça, là, ben qui mentent. Des chips? On va devoir y aller vite aujourd'hui, donc on va couper le « yeah » ici, parce que sinon on va dépasser jusqu'à la prochaine émission. C'est la malbouffe de la semaine qu'on fait en ce moment, toujours après la bouffe de la semaine. Et cette semaine, Stéphanie, tu m'as deviné dans le stationnement tantôt. On s'en venait, je t'ai dit « j'espère que mon sac laisse pas trop paraître le contenu ». Mais c'est correct, dans le fond, David Ferron a spoilé mon kaki. David, aucun respect. Tu t'es toi-même spoilé tes chips. Ben, c'est que mon sac est trop mince, en fait. Un peu comme mon t-shirt blanc d'hier, où j'avais l'impression qu'on me voyait au travers du chandail. Au travers du corps. Je trouvais. Mais bon, donc, je t'ai amené quelque chose, et ça va rendre bien des gens jaloux qui auraient aimé goûter à ça avant nous, en onde. C'est un sac de Doritos Locos Tacos. Hein? Est-ce qu'ils sont mûrs? Elles sont mûres, en fait, je les ai laissées dans l'armoire au sombre, à température... Au sombre, ouais, c'est bizarre. À luminosité sombre et à température pièce. Sont tablettes. Comme on cherche, en fait, dans un fruit comme la croustille. En fait, c'est un légume, plus. Oui, la pomme de croustille. La confusion est là. Donc, Doritos, Locos Tacos, en association avec Taco Bell, c'est des restaurants de fast-food, genre semi... qui veut être mexicain, mais qui est totalement américain. Les Mexicains mangeraient jamais ça. Donc, c'est à savoir de deux choses. OK. C'est séparé. Le sac est divisé en deux avec un éclair dans le milieu, comme le logo de Doritos avec les éclairs. Donc, d'un côté, on a fromage nacho cheese. Ça, c'est la saveur traditionnelle, originale. C'est qu'on achète rarement parce qu'on essaie tout le temps de prendre des piments forts. Non, je prends toujours le traditionnel quand je mange des Doritos. C'est une conservatrice, si on veut. Oui, mais seulement dans la nourriture. Dans la nourriture. Dans ce qui est dans la bouche. En tout cas, peut-être pas tant. En tout cas, pas politiquement. Bref. C'est juste pour dire ça. Super. De l'autre côté, par parallèle, si on veut, on a du crunchy taco croquant. Donc, taco croquant, c'est le taco autour d'un repas Taco Bell. T'sais? OK. Donc, vraiment, le taco qui tient ton bœuf haché, tes ça, légumes. Mais ça goûte rien, ça? Ben, étrangement, les gens disent que ça goûte quelque chose et j'ai bien hâte de voir qu'est-ce que ça goûte parce qu'en effet, on n'a pas de Taco Bell ici à Trois-Rivières, malheureusement. Aux États-Unis, souvent, sont accouplés avec un PFK. Donc, il y a souvent des PFK Taco Bell et d'autres combinaisons comme ça. On n'a pas ça vraiment, en tout cas, que je sache près d'ici. Évidemment, donc, c'est des chips tortilla aromatisés. Donc, on a choisi le mot chips et non pas le mot croustille. Sur l'emballage en français, flavored tortilla chips, donc vraiment, on y va comme ça. Tu peux avoir d'ailleurs, il n'y a pas grand texte décrit, donc je vais aller avec ce qui est écrit. On peut avoir un taco, un Doritos Locos Taco Suprême gratuit à l'achat d'un combo de Taco Bell. Ça, c'est que chez Taco Bell, ils ont un taco à saveur de Doritos. Non. Tu sais, Locos Tacos, c'est l'association qu'ils ont fait entre les deux. T'as des chips aux tacos et des tacos. J'aime beaucoup le concept. Moi aussi. Donc, tu peux avoir un Doritos Locos Tacos Suprême gratuit chez Combo Taco Bell, chez Taco Bell. Sinon, bon, ça dit que ça contient les ingrédients du lait. Tu vois, à chaque fois, je me dis, bon, à chaque fois que je fais le même gag, ça va être bon pour moi plus tard parce que intolérance au lactose. Et même les chips ont du lait dedans. Je m'en sors pas, tu sais. Donc, mais j'ai choisi huile végétale, assaisonnement pour nachos au fromage, évidemment, qui contient plein de choses. Là, la liste est tellement longue, on la lira pas. Hein? Oui, oui, on s'entend, c'est chimique. C'est exact. C'est un produit frito-lait. Bien sûr. Les Doritos, c'est quand même intéressant. Sinon, il n'y a vraiment absolument rien d'autre à lire. On va pouvoir y aller. Moi, j'ai une question. Est-ce que dans le sac, c'est vraiment deux sortes de chips différentes ou c'est la saveur qui est mixée? C'est deux sortes. T'as des chips orange et des chips blanches, jaunes. Ils ont déjà fait ce principe-là dans d'autres éditions de Doritos à travers l'histoire, à travers le passé. Donc, j'étais habitué au sac avec deux sortes de croustilles à l'intérieur, mais jamais une croustille straight pipe, fromage, nachos, plate, un peu de Doritos. Mais je les adore, ces chips-là, pour vrai. On n'achète pas assez, mais si on s'entend, c'est la saveur originale. Et saveur de tacos, j'ai jamais vu quelque chose, une combinaison comme celle-là. Donc, on va ouvrir dans le micro magique. Stéphanie, je te passe le sac. Donc, le micro magique, c'est celui que tu veux. Oui, celui-là, tiens, ça va. C'est parfait, ça. Ah, c'est vrai, non, il y a juste un micro magique. Il faut garder l'ambiance d'avoir juste un seul micro magique. OK, on ouvre ça, je vais acheter. Aïe, il était intense à ouvrir celle-là. C'était un peu, dur. Quand même. Ça t'a pris toute la force de ton ton bras. De mes deux bras. De tes deux bras. J'aime tellement l'effet dans ta voix, Steph, quand tu parles là, avec le micro magique juste à côté de toi. OK, est-ce que tu vas manger la première? Est-ce que tu vas choisir? Est-ce que tu prends les deux en même temps? Qu'est-ce que tu fais? Ben là, déjà, je regarde dans le sac et j'ai un peu de difficulté à différencier les deux. On s'entend? Les petits nachos au fromage vont transmettre leurs graines de saveur. Communément, scientifiquement appelées les graines de saveur. You know. J'avoue que ça ressemble pas mal. T'en as pris deux différentes, là? Ben, je sais pas. Parce que sur le sac, elles sont typiquement rouge-orangées, les originales, et complètement jaunes, les versions... OK, je pense que j'en ai une jaune. OK. Elle fait le tri, quand même, comme on trierait des votes. J'ai un petit bout orange. Fait que là, je devrais être bonne pour... Je pense que je vais commencer par goûter seulement la jaune et ensuite, je vais mixer les deux. Parfait. Qu'est-ce que t'en penses? C'est une très bonne idée. Donc, est-ce qu'on goûte la jaune ensemble en premier ou on fait... Oui, on va croquer dans la jaune. OK, j'en ai trouvé une jaune. Attention, allons-y. Ça goûte pas le traditionnel, effectivement. Non, c'est bon. J'ai jamais mangé de tacos de ma vie, donc je peux pas dire que ça goûte à tacos. Moi, ça me rappelle étrangement. Il y avait sorti une version avec un sac très rétro de Doritos récemment. Je sais pas si tu te rappelles. C'est la version, je crois que c'était guacamole. C'était dans un sac vraiment années 70. Ça goûte, ça me rappelle ça et ça me manque ces chips-là parce que je les trouve absolument fabuleuses. C'est vrai que ça goûte un peu comme guacamole style. Vraiment. Et je vais essayer une rouge. C'est vrai que c'est moins difficile à différencier, par contre. C'était bien une originale. Les deux ensemble? C'est pas dur de trouver les deux ensemble. Je pense que c'est bien de ne pas être capable de les différencier. C'est une surprise, un mélange de goûts à chaque fois. J'en ai trouvé une qui a énormément beaucoup d'épices. Je sais pas si ça va faire une différence. Moi aussi, j'en ai une vraiment très épicée. Je sais pas pourquoi je m'éloigne du micro. On veut entendre mon son de bouche. J'aimerais vraiment goûter à leur taco à saveur de Doritos. Il y a un goût de cumin dedans. Je pense que c'est ça, le petit goût un peu citronné. Je suis certaine qu'il y a du cumin. Ça se peut très bien. C'est vraiment bon. Vraiment, c'est gagnant. Contrairement à bien les produits qu'on a essayé depuis les dernières semaines, on dirait qu'on n'est pas dans une bonne période. J'essaie de chercher les épices. Mais moi, je suis vraiment très, très fan de cumin. J'en mettrais partout. Fromage suisse, cheddar, arôme naturel, oignon en poudre, crème sûre... je sais pas, il y a tellement d'ingrédients que c'est difficile de trouver s'il y a du cumin, mais ça me surprend pas ce qu'il y en a. Fromage romano même. Il y a beaucoup... ben évidemment, c'est sûr, on disait tantôt qu'on était surpris, ben en tout cas que j'étais surpris par le fait qu'il y avait du lactose dedans. C'est du fromage nachos. Fromage. C'est bon, c'est finalement qu'il y ait du lait, ça veut dire qu'il y a du vrai fromage c'est dans ça. Tes nachos. S'il y en avait pas... Ce serait là que ce serait problématique. Je pense que oui. On aime ça, on approuve vraiment beaucoup et même ah, que oui. C'est sûr que j'en rachète. C'est sûr que c'est ça va devenir... C'est un mélange excellent. Je pense que c'est ma nouvelle sorte préférée de Doritos. Je sais pas toi, c'est quoi la couleur? On y va tout à par la couleur de Doritos, sac noir, sac mauve, sac... Mais moi, comme je te dis, je mange toujours les traditionnels. J'ai jamais vraiment essayé les autres sortes. J'aime pas quand c'est trop piquant. Okay. Je tolère pas du tout quand c'est piquant. Mais j'aime les épices. Comme là, c'est très, très goûteux, mais c'est pas piquant. Donc, tu peux manger un sac au complet sans avoir la bouche en feu. Donc, mais moi, ça m'insulte de manger trois chips et de ne pas être capable d'en manger parce que j'ai la bouche en feu. Là, tu peux manger le sac au complet sans problème. Moi, une fois de temps en temps, j'aime bien le défi de manger quelque chose de très, très, très épicé dans les chips. Et Doritos, pour moi, en tant que personne qui aime les choses épicées, j'ai jamais rencontré une chip Doritos qui était assez épicé pour moi. Ah oh, non. Attends un peu. Je me corrige moi-même. Il y a quelques années, tu pouvais acheter avec une liqueur, ça venait avec un sac. C'était genre Fire. T'avais des degrés. T'avais même un truc de degrés en arrière. Et ça, j'étais en effet pas capable de le manger. Ouais, quand même. Mais écoute, moi, comme je suis pas porté du tout à en acheter, j'ai pas vu ça. Mais tu sais quoi qui serait bon avec ces chips-là? Quoi? Ça va peut-être me trouver bizarre. Un verre de lait. Non, jamais de la vie. Moi, j'adore prendre un verre de lait avec des chips. Et avec ça, là, le mélange fromage cubain et tout ça, je capote. Tu m'as rallumé sur la salsa con queso, la salsa au fromage qui va avec les Tostitos, la orange que tu es supposé mettre au micro-ondes. Moi, je la mange froide, comme tu m'as conseillé. Ouais. Et ça serait absolument débile avec ça. Pour vrai, ça serait pas trop fromagé? Oh non, je vais l'essayer, en fait. Je vais l'essayer. C'est mais ça. Oui, tu mangeais ça tout le temps chaud. Moi, oui. J'ai tout le temps mangé ça froid. Puis, Colin, c'est bon. Non, froid, c'est vraiment bon. Je l'avais vraiment au frigo pour que ça soit froid. Achetez-vous, en fait, semaine pour vrai, là, achetez-vous des Locos Tacos, achetez-vous des Tostitos régulières ou les rongles dans de la salsa con queso et vous allez nous remercier, c'est froid. Certain. Froid. Froid. Allez-y. Voilà, nos conseils sont donnés très, très bons pour la santé, ces conseils-là, dans la malbouffe de la semaine. Le pendant tellement plus intéressant de la bouffe de la semaine. Ben, ça dépend. J'aime ça, la malbouffe de la semaine. Une chance que tu m'as forcé à faire ça. Une chance. En tout cas, faites-vous de salade de kaki, là. Je suis sûr que ça va être meilleur en salade. Essayez-le. Vous en donnez des nouvelles. On fait la malbouffe et la bouffe de la semaine les jeudis matin à 9h environ à la fin de l'émission Assemblage requis. D'ailleurs, c'est la fin de l'émission d'aujourd'hui. On va se quitter là-dessus. Ça serait le temps. Ça serait pas pire le temps. Il est comme moins 20. Dans quelques minutes, tout à l'heure, ce sera les Belles et les Balles qui s'en viennent avec leur émission de variété. Plus tard, évidemment, Dîner de con et Danny Janvier. Ben, à ne pas manquer. On manque jamais ça. Mademoiselle Blues à 13h. On va être de retour, Steph et moi, pour les Palmarès 6 fois à partir de 15h. Il n'y a pas de livre ouvert aujourd'hui, donc on saute à 19h à 13e étage et 21h Radio Sonic. Cifou.ca pour la programmation complète, assemblagerequis.com pour les notes de l'émission Les Balados Diffusion. Merci, Steph. Merci, Mathieu. Passe une très belle fin de semaine. Pareillement. Et vous aussi, à lundi. Bye! Bye!